Ben écoute, hein, on va y aller. Tune tight. Bienvenue à toutes et à toutes pour ce 15e épisode de Knack en Vrac. Alors Knack, c'est moi et je pars à la découverte de tous les sujets intéressants en lien avec l'Alsace et ses habitants. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Dédé Schutz qui est là. Salut, salut à tous. Bonjour Dédé Schutz. Salut Knack. Ça me fait super plaisir de te revoir. Ouais, bah moi aussi, ça fait longtemps. On s'était pas vu depuis le Knack Fest. Ouais. Et vu qu'on est, c'était une grande victoire. Alors du coup, pour remettre le couvert, c'était un peu difficile, quoi. Ah, c'était trop de pression, trop de pression. On peut pas tout de suite reprendre. Mais alors, est-ce qu'il y aura un Knack Fest cette année? Alors oui, il y aura un Knack Fest, okay. Le deuxième épisode. Donc ce sera le samedi 25 avril 2020. Voilà. Notez dans vos agendas. Dans vos agendas, toutes les personnes qui veulent venir faire du podcast et jouer aux jeux de société avec nous, bah, qui viennent. Voilà, tous nos fans. Voilà. S'il y en avait plus d'un, ce serait sympa. Maman, tu pourras venir. Alors... Pour cet épisode, on va enfiler des culottes de cuir, sortir la salade de patates et ouvrir de grosses bouteilles de bière. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur le Schlager. Ah, ya, écoute. Ouais. Et justement, avant qu'on perde tous les auditeurs, je voudrais savoir, Dédé Schutz, comment tu vas, hein? Comment tu vas? Comment ça se passe, dédéschutz.eu? Dédéschutz.eu, c'est difficile en ce moment parce que comme j'ai changé de PC, c'est un peu compliqué de remettre le site en route. Mais sinon, ça va. Je podcaste toujours un peu pour Proxy Jeux. Ça, tous les mois, vous pouvez entendre mes conneries. Notre émission Capteur d'écran, qui est bimensuel, tous les deux mois. Attention. Ouais, attends, c'est l'émission qui monte. Qui monte. Celle-là, en plus, vous avez engagé des personnes, là. Mais oui. Votre roadster, il est gonflé à bloc. Mais oui, on n'a bientôt plus assez de micros, là. Il y a Pauline qui a rejoint les rangs. Donc, voilà. Maintenant, ça fait un petit moment déjà. Bah oui, elle apporte un peu la touche féminine qui nous manquait de nous. De Et Marie copains. Qui vient maintenant régulièrement. Voilà. Ça fait déjà deux fois. Ah là là, elle s'incruste. Ouais. Mais écoute, c'est bien réussi. C'est réussi, moi j'aime bien. Bah, je suis ça content si ça te plaît. Ça ajoute de la dynamique à l'expérience. Voilà. Voilà. Mais alors, attends, là tu me dis un truc. On va sortir alors de l'Alsace. Tu dis oui, je suis Knack, on parle de mes trucs, de l'Alsace et de ses habitants. Là, on n'est plus en Alsace. Mais non, alors là, on part en Allemagne. Mais le truc, c'est qu'on est... On est frontalier. On a été baigné dans la culture allemande. C'est vrai. Parce qu'avant qu'il y ait la TNT, en fait, on recevait les chaînes allemandes. Et le dimanche... On subissait les chaînes allemandes. Non. Quand t'allais chez la grand-mère et qu'elle disait « Oh, il y a schöne Musik !» et que tu te tapais des après-midi Schlager. Mais non, justement, moi, c'était le dimanche matin. Le dimanche matin, tu regardes à la télé, t'avais les trucs religieux, la messe, le téléfoot, le truc insupportable. Et à côté, bah, t'avais de la musique, du chant, de la danse et tout. Ouais, et ouais. En fait, bah, c'était le Schlager. Quoi. Ah, toi, c'est plutôt comme ça que t'es rentré aussi dans le Schlager. Ouais. Par la grand-mère, toujours. Non, même pas par la grand-mère. Non, là, c'était pas les grands-parents, c'était parce qu'on recevait... Tu y allais toi-même, quoi. Bah oui, bah, en fait... Ouais, j'y allais, mais par, comment dire... Goût du risque. C'est parce qu'à côté, il y avait vraiment des trucs pourris. Et en fait, là, tu faisais... finalement, ça passe. C'est pas si mal que ça. L'émission qu'on va présenter, donc, c'est Immer Wieder Sonntag. Donc, c'est une émission de musique populaire allemande qu'on appelle aussi folk music, hein, ou Schläger. Et ce qui est, elle est produite par la chaîne SDR Drei, non SDR, depuis 1995. Okay. SDR Drei, c'est la station de radio. Exactement. La radio que j'aime beaucoup aussi. Et donc, c'est une émission qui est diffusée tous les dimanches matins du mois de mai à septembre, en direct et en public, depuis la place des fêtes de Europa Park. Et donc, c'est une émission qui accueille aussi bien les superstars du Schläger comme les jeunes qui tentent de percer. Ouais. Et depuis 15 ans, c'est ça ? Tu l'as dit, 15 ans ? Ouais. 15 ans. Et le présentateur, je ne sais pas si tu veux en parler ? Juste après. Ouais, on va on va le présenter. Oh, ok. On va présenter le présentateur. Parce que lui, le présentateur, il est là depuis 13 ans, je crois. Non ? Ouais, il est là depuis 13 ans. Ouais. Et en fait, l'émission, elle existait déjà avant. Et ils l'ont renommée. Ça fait 15 ans qu'elle existe. Et en fait, au début, elle ne marchait pas. Et, mais quand il est arrivé, il a porté le sujet, quoi. Voilà. Donc, la place des fêtes de Europa Park, donc, c'est la scène. Elle est ronde. Avec, sur un côté, il y a une scène qui rappelle un peu les scènes de théâtre, un peu comme dans la série Maggie. Parce que c'est vraiment Jaune un peu Maggie, ouais, comme les décors de Europa Park, ça fait un peu penser, tu sais, au théâtre de boulevard comme ouais, ça. Il y a des escaliers, des coursives ou des portes et des balcons où les gens, les spectateurs, ils sont placés. Ouais. Et il y en a qui sont placés au soleil ou sous la pluie, suivant la météo. Et donc au centre de la place. Il y a des tables et des grandes travées là, sur les côtés. Il y a des gradins pour accueillir le reste du public. Voilà. Quand ils dansent. Mais donc toi, tu as assisté déjà à Europa Park à une représentation ? Non. Non, j'ai pas assisté. Mais en fait, cet été, on était à Europa Park et on a vu les affiches. Et j'ai fait oh putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est la révélation. Mais personne, je veux dire, à part l'improbable podcast avec Kevin qui ont traité le sujet. Personne ne parle d'autre. De ça. On a parlé et pourtant c'est tellement une niche. Ouais, bon, bien sûr, on va pas vous parler d'un niveau de musique, un truc de malade. C'est pas des mélomanes. On n'est pas des mélomanes là. C'est comment dire. C'est de la pop culture allemande. C'est de la pop culture. La pop culture. Et c'est et c'est pas loin du plaisir coupable aussi. Voilà. Ouais, petite dédicace à Flavien pour le plaisir coupable. Le plaisir coupable. Ok, parce que Flavien a une théorie sur le plaisir coupable. Et c'est laquelle ? Je vous renvoie vers capteur d'écran. D'accord. Je n'assume pas ses propos. Ok, parce que moi j'ai écouté La Plage ce matin. Ah. Et il y avait aussi, mais j'ai pas tout saisi. Il faudrait que je réécoute. Parce que mais je crois qu'il en reparle. Voilà, donc entre chaque chanson, il y a des présentations d'artistes, des sketchs, des jeux avec le public. Un peu comme le grand cabaret. Si vous connaissez un peu ce que fait Patrick Sébastien. Voilà. Donc l'animateur, il est régulièrement dans le public aussi. Il est dans les travées, justement, comme faisait Patrick Sébastien. Ouais. Et justement, Patrick Sébastien, lui, il est à la retraite. Et maintenant, si vous voulez vous divertir, voilà. Il faut aller voir sur SDR. Ou sur YouTube, hein. Immer Wieder Sonntag. Exact. Et IWS. Oh, pour les intimes. Il y a un hashtag, je ne savais pas. Donc, comme dans toutes les fêtes allemandes, il faut que les spectateurs ils soient attablés sur de longues tables. Alors ouais, ça c'est la coutume, que ce soit les fêtes ou c'est surtout... c'est une coutume de fête de la bière, ça surtout. Ouais, fête de la bière, il y a aussi le carnaval, il y a vraiment toutes ces fêtes. Il y a des grandes travées et c'est la fête, quoi. Donc on monte sur les tables, on monte sur les chaises, enfin sur les bancs. Et tout ça pour danser, quoi. Et donc le public, il réserve sa place et paye pour être là. Oh, exactement. Il paye en plus. Mais oui, il paye. Et donc il y a deux tarifs. Il y a tribune qui est un peu moins cher et au centre. Ah, mais au centre, t'es plus au centre de l'action. Exactement. Tu peux croiser l'animateur. Ouais, exactement. Il peut venir sur tes genoux. Et à ton avis, là, comme ça, je lance juste un petit truc comme ça. Combien ça coûte une place? Allez, vas-y. Je dirais 50 euros. Moins. 30. Moins. 28. Moins. Je dirais 15. Plus. 18 plus 20 moins 19. Oui, 19 euros pour être au centre. Ouais, c'est pas mal. Ça. Donc, justement, tu sais, c'est pas exorbitant. C'est pas exorbitant. Voilà, il faut payer l'entrée à Europa Park. Non. Ou pas. Ou c'est. Non, non. Il y a un pass où tu peux. Donc, il y a l'option où tu payes ton entrée et ensuite le spectacle. Mm-hmm. Mais tu peux juste venir participer au spectacle. Et finalement, un petit spectacle à 19 euros pour voir des stars. Bah ouais, c'est pas. C'est plutôt pas mal. C'est pas. Et à chaque fois, c'est bien rempli. Hein. Ah ben, on voit sur les vidéos, ouais, c'est. Ouais, il y a rarement des places libres. Ouais. même quand il pleut. Oui, c'est vrai. Ils ont tous leur petit poncho. Alors, je ne sais pas s'ils les offrent. Ouais, je pense qu'ils les. Parce qu'ils ont tous le même, donc je pense qu'ils doivent les offrir. Ouais, ou alors peut-être qu'ils les vendent. Ah, en plus. Ouais, je pense que à Europa Park, ils ont peut-être plus tendance à les vendre. Et donc. Quand on va enregistrer une émission là-bas. Donc, c'est rendez-vous à 9h. À 9h. Et il y a toute la préparation qui se fait. Et le début de l'émission, elle commence à 10h. C'est de 10h à midi en live, direct. 2h, ouais, c'est pas mal, 2h. Alors, toutes les personnes qui rentrent en état d'ébriété, en fait, elles sont refusées. Ah, parce qu'il faut boire sur place. Exactement. Non, mais il est noté sur le site que si t'es bourré, on t'écarte, en fait. Ah, ils te montent. Non, ils te font sortir. Oh, punaise. Ils te font sortir. Mais pourtant, ils boivent de la bière. Oui, justement. Et je sais pas si t'as remarqué. Parce qu'ils tiennent l'alcool. Ils sont tous en train de boire, mais j'ai pas vu les serveurs. Et ça, c'est. Depuis hier, je les regarde. Je regarde à droite, à gauche, sur les images. Et mais c'est qui les sert? C'est vrai, c'est vrai. Ils vont se servir au bar, entre deux chansons. Ouais, ça doit être ça. Alors, nous aussi, pour les accompagner, on a pris de la bière. Alors, ouais, on a pris de la bière. Dégustation, santé. Exact. On a des bretzels, on a des manalas, parce que c'est bientôt la Saint-Nicolas. Voilà. Alors, la Saint-Nicolas mange des manalas. Voilà. Alors, on enregistre le 3 décembre. Et donc, on est en train de déguster les bières du calendrier de l'Avent. De Beery Christmas. Ça a été offert ou Ouais, ça m'a été offert par mon papa, qui est tellement gentil. Il a dit, tiens, saoule-toi un petit peu. Saoule-toi, mon fils. Rends fière la famille, surtout à travers toute la francophonie. Il dit, moi je suis à la retraite, je supporte la vie, toi, je t'ai commencé de bosser, alors tiens. Donc les bières 2 et 3, si vous voulez nous accompagner avec ces bières-là, suivez-moi sur Twitter, je vais poster les photos des bières. Ça doit être il y a Capéro qui doit être... Ouais, parce que lui, il récupère son carnet de son calendrier de l'Avent de bière, le 10. Le 10, Et lui, il veut tout picoler d'un coup. Surtout qu'il a acheté 3 calendriers. 3 calendriers. Il y avait une promo Black Friday, 3 calendriers. Il a dit, ouais, je peux sauter sur le cajon. Non, mais il faut qu'il alimente son podcast bière aussi. En plus, il se balade sur un vélo cargo. L'année dernière, il l'avait ramené sur son vélo cargo. Ah bah voilà. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut le fil rouge, tiens. Et ouais, on peut même ramener des calendriers de l'Avent en vélo. On peut faire ses courses à vélo. Et ça, c'est cool. Alors, ce qu'on a préparé. Ouais, on a préparé l'émission best-of du 15 septembre 2019. Et en fait, là, ça faisait vraiment un best-of de toute la saison. Mm. Et moi, j'ai encore regardé un épisode au mois de mai. Ouais. Je l'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Ouais. Le temps, hein, le courage. Ouais, non, mais... Mais en plus, moi, je l'ai préféré. Ouais, je l'ai préféré. Je le préférais. Mais de toute façon, vous ne perdrez rien. J'ai gardé tout le meilleur. Ah, le meilleur. Exactement. Alors, le présentateur, donc lui, c'est Stéphane Mross. Alors, Mross, ouais, hein, c'est un peu... Mross. Moi, je ne sais pas trop comment le prononcer. M. Mross, c'est Mross. Mross. Pas Morse. Mross. Non, c'est Mross. Donc, Stéphane. Donc, c'est le présentateur phare de l'émission Immer Wieder Sonntag. Donc, il a 44 ans, hein, j'ai regardé sur son Wikipédia. À la base, c'est un trompettiste autrichien qui a été repéré à l'âge de 13 ans lors d'un mariage... par Karl Moak. Ah, mec, le fameux Karl. Mais oui, lui qui était une personnalité dans le monde de, du showbiz et de la télé spécialisée dans la musique folklorique. Et donc, un an après, Stéphane, il a 14 ans et il monte avec sa trompette, avec sa petite trompette, sur la grande scène du Grand Prix de la musique folklorique pour représenter l'Autriche. Et il joue AMV Melody et il remporte le prix à 14 ans. Quoi. C'est bien, c'est un jeune talent. Hein. La carrière était lancée, quoi. Donc, il gagne en reconnaissance et en popularité à travers toute la germanophonie. Hein, germanophonie. Parce que là, on parle de l'Allemagne, mais on parle de la Suisse, des Pays-Bas aussi. Ouais, de l'Autriche. De l'Autriche. Et aussi un peu du côté de la Pologne, il parle aussi allemand. Là, C'est pas quand même pas aussi grand que la francophonie. Non, mais l'alsacophonie. Oui, mais tu sais, en Afrique du Sud, ils parlent aussi allemand. Donc je pense qu'il y a aussi un public en Afrique du Sud. Ah. Et peut-être aussi en Amérique du Sud. Ça, c'est... Ça aussi. C'est... Ça, on n'en parlera pas. Ah, mais si, il y a un lien. Ah, il y a un lien. Parce que généralement, quand il y a des chansons festives, ils vont toujours au Mexique. À Mexico, au Mexicana, toujours. C'est une règle d'or. Comme en France, on va plutôt on va à Rio de Janeiro. Ouais, voilà. Ça, c'est plus festif. Les Allemands, ils sont plus, plus Mexique. Ouais, c'est moi, bon, c'est la drogue. Mexico, quoi. Alors, donc il continue ses différentes études à Salzbourg et il se met au chant. Et en 94, il représente l'Allemagne au Grand Prix de la musique folklorique en chant. Alors, il n'a pas fait l'Eurovision. Non. Ah. Et là, il est deuxième. Et l'année d'après, il se représente à nouveau pour l'Allemagne, mais cette fois-ci en duo avec Stéphanie Hertel. Et le duo, là, il décroche la seconde place. Alors, évidemment... C'est un peu le pouli d'or. Il se marie avec Stéphanie Hertel. Ah, hein, bah oui. Ça, c'est, bah, on va lui... se gêner. Alors, lui, ça crée des liens, le chant. Alors, lui, la règle du no-zobby job... Il l'applique pas en tout cas, il la connaît non, pas. Non, mais ils étaient là, ils avaient gagné, enfin ils étaient deuxième, ils avaient un peu bu. Bon, c'est la fusion, c'est quoi, c'est artistique. C'est un peu comme à Las Vegas, hein, tu peux te marier en 5 minutes hein, en Allemagne. C'est vrai? Non, je crois que je suis en train de dire. Ouais, je sais plus. Non, je suis là que pour raconter des conneries. Hein. Ouais, ça marche. Et donc. Donc il se marie avec Stéphanie, exact. Et ensuite, il a une petite baisse de régime. Hein. Il reparticipe aux différents concours, mais ça c'est le mariage. Hein. Sans se placer. Alors là, il est un peu mauvaise, je pense. Ouais, hein, ouais. Ça l'a un peu blessé. Donc il devient papa pour la première fois en 2001. Ah voilà, il fait père au foyer, voilà. Du coup. Voilà. Mais il relance quand même sa carrière en tant que présentateur pour Immer Wiedersonntag à partir de 2005. Ah, voilà, 2005. Donc 2001, 2005, il est un peu un coup de moins bien, mais finalement, il repart. Et à partir de 2005, il chante dans chaque émission. Donc sa femme le rejoint, comme par hasard. Hein. Ah, ouais, il fait emboucher sa femme. Promotion canapé. Ouais, hein. Ouais. Rend l'argent et tout ça. Ah non, c'est pas fictif, on la voit chanter, donc ça va. Voilà, donc on les voit, elle vient chanter régulièrement jusqu'à leur séparation en 2012. Ah, c'était triste. Et là, c'était à partir de 2012, on la voit plus. Alors là, franchement, c'est un peu un trou de balle, quoi. Donc l'année d'après, en 2013, il se marie avec Suzanne Schmidt, hein, qui, elle, est assistante de production depuis... Ouais. Ah, il veut garder son job, en fait. Chez Immer Wiedersonntag, ouais. Exact. Avec qui il fait 2 enfants. Ouais. Donc il a 3. Et le 10 août 2014, en direct, lors de l'émission, Stéphane, il fait un malaise en direct. Et il s'effondre. Damned. Et tu sais pourquoi il s'effondre? Non. T'as pas une petite idée? Je sais pas, un malaise cardiaque? Non. Non, en fait, il a été victime d'une currywurst. Tout simplement parce qu'il a été victime de la currywurst la plus forte du monde. Oh punaise. Parce que le charcutier qui avait remporté le prix... Donc de la currywurst, ouais, la plus forte du monde. Il lui a fait goûter. Il était venu la présenter. Et lui a dit, ouais, c'est que des conneries. Il lui a fait le malin. Fait, moi, je mange la currywurst. il a fait un malaise. C'est vrai que parce qu'il y a des défis aussi. On en reparlera, mais il y a des défis durant l'émission. Exact. Et il a été vraiment... bref, il a pas représenté pendant 2 semaines. Enfin, pendant 2 dimanches, il a pas représenté l'émission. Quoi. Punaise. Parce qu'il fallait faire un check-up. Quoi. C'était vraiment... Malaise du Currywurst, ça, on peut noter ça. Ah, mais quand je l'ai vu, j'ai fait... Parce que, on va dire que j'ai regardé quand même un peu pour trouver un peu les stars de... du Comment Schläger, ils étaient morts. Les stars du Schläger, tu sais, qui ont un peu dérapé, tu sais. En fait, toutes les stars du Schläger, en fait, sont assez lisses, tu vois. Ouais. Ils représentent quand même un idéal. Bah, c'est des... Les chansons... C'est des vieux aussi, hein, pour certains. Enfin, il y a peu de jeunes, c'est quand même plutôt du... C'est quand même plutôt du vieux. Hein. C'est des gens qui ont déjà survécu à beaucoup de dérapages. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que tu as vu le best-of. Ah, j'ai été sélectionné parce que les autres. Il y avait plus de jeunes dans les autres. Ah. Ils ont plus mixé les jeunes, les vieux. Ouais, pour faire l'équivalent des âges, ils mettent des danseuses vachement jeunes à côté. Ouais. Et ça, ouais, à travers tous les spectacles, à chaque fois, les danseurs derrière, bon, ils assurent quand même. Ah oui, non, il y a du, bon, y a ils du ont, travail. Ils sont toujours dans le même style, hein, c'est assez classique. Oh, on en reparlera. D'accord, ok. Et depuis avril 2017, il est officiellement avec la marionnettiste et chanteuse Anna Karina Wacak. Ah, celle-là, on la voit dans le... Exact, parce que c'est dans elle qui fait toutes les marionnettes de Immer wieder Sonntag. Ah, c'est elle qui fait tous les... Toutes les marionnettes, c'est elle qui les fait. Ouais, mais elle chantait aussi, elle chante aussi, elle. Oui, elle chante aussi. Elle chante avec sa marionnette. Mais à la base, elle est vraiment marionnettiste. Ok. Rien à voir avec le spectacle marionnettiste du pénis. Je ne connais pas ce spectacle. On l'avait vu. Ah, c'est ceux qui font des trucs. C'est ceux qui font des trucs avec leur pénis, c'est ça, ouais, des formes. Ah, ouais. Ouais. je vois. En tête, j'ai l'écureuil. Moi, j'ai la Tour Eiffel. Ouais, ne cherchez pas ça sur Google Images. Carrément. L'écureuil au travail, du coup. L'écureuil, c'était avec une bûche de bois. Avec un trou dedans. Ouais, non, mais c'est... Alors, l'agenda à peu près de Stéphane, en fait, il fait de mai jusqu'au mois de septembre. Il fait Immer wieder Sonntag. Mm-hmm. Et après, ils font une tournée d'automne avec toutes les... Les fêtes de la bière ? Non. Non, mais en fait, ils font tous les petits villages, hein, les petites villes, où en fait, ils font de la musique pour les petits vieux, et ils font une tournée, un peu comme un peu, les années 80, soirée années 80, et comme ça. Et en fait, les soirées Immer wieder Sonntag. Ah, et c'est Immer wieder Sonntag qui vient chez, ouais, chez donc toi. Ils ont, le mois d'octobre, octobre, ils ont fait, je crois, dans le mois, ils ont fait 40 dates. Ah ouais, quand même. Donc ils ont quand même plusieurs, bon, ils sont à plusieurs artistes, mais ça, 40 dates sur 30 jours... C'est... Alors, sachant que tu joues pas tous les jours, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, non, je raconte des conneries. Là. Parce que 40 dates, non. C'est un peu beaucoup, quand même. Non, ils ont une 20 dates. Ou alors il y a deux groupes de... Non, c'est 20 dates sur un mois. C'est 20 dates sur un mois. Je me suis enflammé. C'est 40 sur deux mois, sûrement. Non, c'est parce qu'après, il y a la session d'hiver. Ils se reposent un peu en novembre. Ah, et ensuite, ils font un spectacle pour la période de l'Avent. Ah. Alors là, ils retournent, là, c'est, ils sont aussi ils font un concert tous les deux jours. Et parfois, même le lendemain, ils rejouent, il n'y a pas de souci. Les enfoirés, donc, à bien se tenir, hein, attention. Ah ouais, mais carrément. Ouais, mais à chaque fois, ils prennent des petites villes, ils font vraiment, ils balayent toute l'Allemagne. C'est un peu la proximité. Bah ouais, finalement, c'est à ce moment-là où ils vont vers leur public, tu vois. Ouais, le Volksmusik, tu vois, le peuple, on retourne au peuple. Mais justement, tu vois, et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Et donc, beau geste de Stéphane. Voilà, et donc il va faire ça jusqu'à Noël. Et ouais, à Noël, ouais, donc là c'est 20 concerts en 3 semaines, exact. Et, c'est balèze. Et en janvier, il fait une tournée dimanche. Alors là, c'est 14 concerts en 4 semaines. Et il enchaîne, quoi. C'était... Ouais. Et ensuite, il a le concert événement, donc le 26 janvier, au King Pilsner Arena à Oberhausen. Pour fêter ses 30 ans de carrière. Oh punaise. Et ça, c'est à côté de Essen. Ah, ça, c'est bien Essen. Voilà. Pour faire quoi ? Pour du jeu de société. Pour du jeu de société, voilà. Mais, en fait, du coup, quand il fait en été Immer wieder Sonntag, en fait, c'est un peu le repos pour lui. Ouais, il fait qu'une émission par semaine. C'est une émission par semaine, tu vois. C'est tranquillou, peinard. Il représente, voilà. le dimanche matin, c'est comme les sportifs, ils font leur course le dimanche matin. Bah, il fait pareil. Il fait sa prestation, petite presta, et après c'est bon. Comme un curé, en fait. Et le curé aussi, il fait 2 heures le dimanche matin et puis il a fini sa semaine. Le mercredi aussi pour le jour des enfants. Ah. Ouais, mais il fait pas de tournée dans toute l'Allemagne, hein, le... sauf ouais, peut-être non, le pape. Mais ça pourrait être sympa. C'est une idée à creuser pour les religieux qui nous écoutent. Mais il y a déjà des églises dans tous les villages. C'est vrai. Sauf que les gens, ils vont pas les voir, c'est tout. Il y a des mecs qui font des trucs tous les dimanches. Mais il y a des scènes dans toutes les dans tous les villages. Voilà. C'est juste que les gens, ils n'y vont pas. Mais ils continuent dedans. Il se passe toujours des trucs. Hein. Je te rassure. Voilà. Alors donc. Avant de lancer un peu tous les extraits, on va juste faire l'intro et un refrain, parce qu'après, ça va faire trop long, quoi. Ouais, ouais. Et, on mettra la musique un peu moins fort et on parlera dessus. On peut faire, ouais, on peut faire ça. Ou ceux qui sont mauvais, on coupera, quoi. quand on n'en peut plus. Ouais, donc, c'est pas... Voilà, donc on vous prévient, hein, c'est pas des chansons... pour moi, c'est des chansons qui me sont familières, tu vois, parce que c'est des accords, des sons... Ouais, c'est des airs qui fleurent bon le rein. Exactement. Moi, ouais, elles sont familières, quoi. Et donc, au début, vous allez rire, et ensuite, ou partir, hein. Non, mais restez. Vous allez comprendre. Alors, le Schlager, donc, on le connaît. C'est une recette simple. C'est un artiste qui est là pour faire plaisir au public et faire chanter, taper dans les mains de tout le public. Oui, parce qu'on va petit point. Petit point de langue, schlag, ça veut dire frapper, tu vois. Exact. Et du coup, c'est toujours des musiques entraînantes qui te donnent envie de frapper dans tes mains. Ils sont tout le temps en train de taper dans leurs mains. Et en fait, moi j'ai été invité, j'ai gagné un concours pour aller voir Skip the Use, mm-hmm. Et ils font exactement pareil. Oh punaise, Skip the Use, ce serait du Schlager folk music. Exactement. Vous l'aurez appris dans ce podcast. Venu du Pas-de-Calais, hein. Exactement. Le Schlager du Pas-de-Calais, mais attention. Oui. Parce que quand il y a des chants où il faut faire oh, oh, oh, bah, et bah dans le Schlager, ils font pareil. Dans le refrain, bah en fait, t'as des moments où tu peux chanter avec eux. Et c'est ça qui fait vraiment le petit détail. C'est l'esprit de corps. Exactement. De toute la foule. Ah, et c'est, ouais, justement, et c'est pas de la chanson un peu pédante à la française, là. Ici, on va à l'essentiel. C'est un synthé et un micro. Et ils vous ambiancent un public de 10 000 personnes, quoi. C'est... Ils n'ont pas de Vincent Delerme en Allemagne. Voilà, c'est des refrains simples, des la-la-la, et c'est ce qu'on aime, quoi. Voilà. Alors, pour la première émission, première partie d'émission, je vais juste faire partie... Alors, le générique. Sur chaque... Exactement. On peut commencer par le générique. Le générique pour commencer. Allez, allez. Und hier ist immer wieder Sonntag mit Stefan Bloss. Freu ich mich darüber, dass wir uns im Ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber. Oh oh. Et alors en fait... Ah, tu pouvais le laisser, je le baissais en fond. Alors en fait, c'est Stéphane là qui chante tout de suite. On voit bien que c'est pas qu'un simple animateur, tu vois. Ouais. Il est chanteur, il chante. Et en même temps, quand il arrive sur scène, il joue tout de suite le personnage. Ouais, voilà. Alors, et juste avant que tout ça ne commence, il y a une petite image d'intro avec le titre. Alors, pour vous la décrire, en fait, c'est le fond d'écran de base de Windows, les prairies vertes, vous voyez, sur laquelle on a mis des images de papillons jaunes qui s'envolent. Alors, les papillons jaunes, hein, c'est vraiment les papillons jaunes allemands, tu vois, qui flashent, qui volent comme ça. Et il y a le titre Immer wieder Sonntag. Et ça, c'est un petit moment. C'est la grande classe, quoi. Ça, c'est en intro, tout de suite, le décor est posé. Ça, on dit, ah, là, on est en Allemagne. Ça, il n'y a pas de doute. Ça va être kitsch. On aime. Là, on peut débourser pour le logo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, petit truc, le chanteur, il chante avec son micro, mais il a aussi un micro-cravate. Exact. Alors ça, je pense que pour le point technique, son micro qu'il a au point... C'est de la déco. Hein. C'est ça, plus juste pour après. Pour moi, ça c'est le micro de scène, donc de chant de scène. Ah. Et le micro cravate, c'est pour quand il discute avec, ouais, les gens. Pour moi, il switch. Tu crois qu'il switch? On demandera aux techniciens. Pour moi, il switch. Mais après, c'est si vrai vous que... êtes technicien télé, dites-nous. Ouais, ça nous intéresse. Parce que je me dis pourquoi il se trimballe un micro alors qu'il a son micro cravate à côté. Ouais, et il ne le fait pas tomber comme Philippe Risoli. Et ça, c'est plutôt professionnel. Mais c'est un sans fil quand même. Notons que c'est un micro sans fil, ça lui permet quand même de se balader parce que sinon, il serait bien emmerdé avec le fil. Enfin, un beau rôti là. Et donc, dans chaque émission, au début, en fait, on présente des jeunes. Et en fait, les jeunes se présentent. Il y a un petit portrait, on va les voir chez eux. C'est un peu comme dans L'amour est dans le pré, quoi. C'est L'amour est dans le pré, mais pour les chanteurs, chanteuses. Ouais. Bah, c'est des ados de 16-17 ans qui se présentent. Et justement, il y en a un qui était pas mal. Donc le premier, c'était Mathias Heike. Ouais, Mathias. Alors attends, Mathias, j'ai une petite description là de Mathias. Alors petite chemise blanche, blazer bleu marine, tu vois, sur un ça met tout de suite le personnage sérieux, voilà, on est là, on fait. Mais voilà, tu vois, il a 17 ans, tu vois. Alors il a quand même son côté adolescent qui est toujours là. Voilà. Et un côté mais c'est un côté petite Jeannette qui fait adolescent. Début d'adulte, tu vois, qui ouais. Début d'étudiant quoi. Mais c'est moi je trouve que il est touchant, tu vois, lui. Et tu vois bien que il fait ça pour faire plaisir à sa grand-mère. Oui, parce que donc dans la vidéo de présentation donc filmé avec son téléphone portable, on apprend hein, que les jeunes font ça, soi-disant ils filment avec leur portable. Je ne savais pas, je ne suis pas jeune. Et donc oui, il est, on le voit, il présente sa maison, il présente sa grand-mère qui est fan de l'émission, et on sent bien que c'est le point culminant en fait de sa vidéo. Parce qu'il l'emmène faire des courses. Ah oui, c'est vrai. Il l'emmène faire des courses et en fait voilà, tu vois, il a 17 ans, c'est le bon garçon quoi. Et je pense que c'était la première fois qu'il faisait un petit reportage, c'est lui. Alors du coup il savait pas trop quoi dire et en fait il sait pas trop quoi dire pour pas froisser aussi non plus. Alors là c'est chez moi, il se montre sur la terrasse, il fait là je prends le soleil, j'aime aller faire de la promenade, il aime bien aussi son chien. C'est un CV de stagiaire de troisième en gros. Il a rien à dire, il a rien fait, mais bon, il veut quand même mettre du cœur à l'entrage. Voilà, c'est bien ça. Il veut faire plaisir, et c'est ça qui c'est ça qui est pas mal, quoi. Et donc son petit chien, il a eu un an là. Oh, et son petit chien, quand il se balade sur la vidéo, il se balade avec son chien et il est tout content et tout, ouais. Parce qu'en fait, il était jeune à cette époque-là. Et là, il vient de fêter ses un an. Et ce chien s'appelle Nala. Nala, ouais. C'est beau. Alors, tu crois, qu'est-ce qui a touché le public ? Est-ce que c'est le petit chien ou est-ce que c'est la grand-mère ? Je pense que c'est les deux. Parce que la grand-mère, elle dit quand même « Oui, je suis la plus grande fan de Immer Wieders. » Tu vois, elle rajoute une petite couche. « Je suis la plus grande fan, je rate jamais une émission de Immer Wieders on Tag. Ouais, mais moi je l'ai vraiment bien aimé. Toi, c'est le petit chien. Ouais, c'est le petit chien. Et je me suis dit, si on fait un petit descriptif du documentaire sans parler du chien, je trouve ça dommage. Okay. Voilà, donc le petit chien qui ressemble à rien. Donc c'est pas, il n'y a pas une marque particulière, c'est un bâtard. Et il s'appelle Nala, qui a eu un an là. Okay. Je l'ai vu sur Instagram. Parce que tout de suite, j'ai cru que tu l'avais vu sur Tinder. Mais qu'est-ce que c'est? Et là, c'est vraiment un podcast d'investigation. Parce que t'as fait quoi? T'as fait comme chez Capteur d'écran? Tu tapes Nala dans Google et c'est tout? Non, justement, j'ai tapé Mathias Heike. J'ai été chercher son profil Instagram. J'ai un peu scrollé toutes ses images. Donc, il a fait pas mal de scènes cette année. Hein. Mais on arrive sur une image de Nala qui a fêté ses un an. Ah, c'est beau. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Vous êtes au courant. Et donc, tout seul, lui, il fait un peu... Attends, je vais lancer un peu... Alors, sa chanson qui s'appelle « Mit dir mein Leben Leben », qu'on pourrait dire, c'est « Avec toi, ma vie vie ». C'est comme ça que je traduirais. J'ai pas trop compris le principe, mais écoute, on va le lancer et on va écouter ça. Du steigst aus deinem Taxi, ich spüre mein Herz vibrieren. Gleich werden deine Hände meine sanft berühren. Alors, on voit que c'est quand même assez rythmé quand même. Hein, quoi, ouais. Alors là, clairement, c'est un peu, on est sur sur du boys band. C'est vrai. Mais, ah, c'est vrai qu'il a une petite danse de boys band. Ouais. Sa chemise blanche, je voulais pas dire, mais elle est un peu ouverte. Un peu ouverte. Sur un torse qui se voudrait poilu, mais qui ne l'est pas. Berbe, hein, ah bon, il est poilu comme un œuf, c'est pas grave. Quoi. Non mais voilà, ouais, il y a la petite danse. C'est vrai, c'est le côté boys band, j'avais pas. Si si, moi direct. J'ai vu, j'ai fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a la boîte à rythme. La boîte à rythme, les synthés. Et c'était parti. Et surtout, la chorégraphie, où tu vois vraiment, bah là, je pense qu'il n'est pas habitué à chanter d'habitude, à danser d'habitude. Et là, en fait, il a vraiment des gestes. Franchement, ça pourrait être moi. c'est des gestes. Niveau de danse, quoi. C'est des gestes assez forcés. Il n'y a pas de. Tu vois que. Il n'y a pas d'études de la danse. Il se la donne, tu vois, mais parfois il est même un peu désorganisé. Mais, il fait le robot à un moment donné, non ? Je ne sais plus. Non, il ne fait pas le robot. Non, mais je remarque en fait que lui, il n'a pas de micro pour chanter par contre. Lui, il utilise son. C'est assumé du playback. Non, pour moi, lui, il fait du playback parce qu'il est complètement à côté. Non, mais ils sont tous en playback, on va se le dire. Je suis pas sûr. Ah. Il y en a, je suis pas sûr. Bon, on va dire 80. Ouais, mais au moins en playback musical. Exact. Mais donc oui, ouais, ça lui libère du coup les deux mains pour danser. Ouais. Du coup, il savait pas trop quoi faire avec. Et il est vraiment. Et il les agite. Il fait un peu de l'aérobic, quoi. C'est ça. C'est pourquoi la tectonique c'est fini. Il aurait tellement pu percer en tectonique. Ouais. Mais voilà, donc ça c'était Matthias Eicke. Et donc il est opposé à Jan Schrödel, qui a 19 ans, Schrödel. Qui vient de Wetzlar. Alors lui, il a de belles bretelles. Alors oui, je vous décris son petit look, pareil, chemise blanche, lui pas de blazer, mais par contre des belles bretelles rouge flashy, et une coupe de cheveux. Ah, il est blond, hein. Blond, mais coiffé en Tintin, avec une petite mèche qui est relevée comme ça, et un air niais à qui on a envie de lui foutre des baffes. Bah, par contre, tu vois, lui, il fait des. On va lancer. Gerne sitze ich am Strand. Durch die Hände Riesensand. On voit, c'est quand même plus classique, hein, comme chanson. Il est plus posé. Ouais. Et il fait pas de chorégraphie. En fait, lui, il fait des pauses. Il marche un peu à travers le public. Ah, comme on fait pour le Schlager, quoi. Exactement. On voit que c'est plus travaillé. Ah ouais. Je vais le mettre en fond comme ça. Quoi. Et justement, là, c'est le refrain. Là. Ça tape dans les mains, tu vois. Alors, on entend les. Écoutez bien les gens qui tapent. J'avais rajouté peut-être un. Ouais, non, mais. Et lui, en fait, dans sa petite présentation, on le sentait aussi un peu plus assuré. Et lui, ce qu'il mettait plus en avant, c'était pas sa grand-mère, c'était qu'il travaillait avec des enfants. Ouais. Ça c'est. Donc, ça marche toujours bien sur les personnes âgées et les enfants aussi. Il aime bien le foot. Ça, c'était pour passer un peu partout. Il travaille dans un centre pour les enfants. Voilà. Et il fait de la musique. Ouais, voilà. C'était assez sympa, quoi. Plus classique. Il fait quoi comme musique ? Il faisait pas de la trompette aussi ? Si, il y avait une trompette derrière. Il me semblait qu'il y a de la trompette. Alors lui, il a gagné un peu le surnom de chanteur à la bonne humeur aux bretelles rouges. C'est long, hein. Ah, c'est ça. Ouais. Donc il chante à bonne humeur. Il est obligé de les garder, ces bretelles. Ouais, bah là c'est marqué à vie. Hein. Sur toute sa carrière, s'il change de bretelles. Je pense qu'il a basé son look beaucoup aussi sur ses bretelles. Limite, il peut peut-être faire une variante pour la Saint-Patrick. Ouais, pourquoi pas. Non, mais ouais, bretelles rouges. Mais ça veut dire que si tu veux faire un sosie de Jan Schrödel, suffit de trouver des bretelles rouges et c'est parti, quoi. Tu peux te dire. Tu peux te dire sosie de Jan Schrödler. Schrödler. Schrödel. Schrödel. Jan Schrödel. Schrödel comme Apfelstrudel. Alors, et donc en fait, à travers toutes les missions, donc au début, il y a les deux jeunes qui viennent chanter. Et après, pendant toutes les missions, donc ils font des appels au vote sur Internet. Et à la fin. Ah oui, avec des numéros surtaxés. J'ai noté ça, c'est sympa ça, les numéros surtaxés. Ah, moi j'ai vu des adresses mail. Ah, je sais plus si c'était pour ça. Ah non, c'était pour autre chose où il y avait des numéros surtaxés. Mais ils utilisent aussi les numéros surtaxés, c'est sympa. Voilà, c'est toujours bien. Bah, ça fait toujours plaisir. Et donc... Ah si, non, c'était ça. Ce numéro surtaxé, je l'ai noté pour choisir votre chanteur préféré parmi les deux. Voilà, donc. Ouais, bon, Yann, ouais, non, je le dis pas maintenant, je le dis après. Gardons du suspense. Oui, gardons du suspense. Et ensuite Que je me rappelle, on va passer au première partie de l'épisode de septembre. Maintenant, on va passer ouais, sur septembre. Alors, on peut vous repasser le générique. Parce exactement. Que nous, on l'a en tête là depuis une semaine ça, qu'on prépare. Vous avez une mission comme ça, vous. Parce qu'il reste bien. Und hier ist immer wieder Sonntag mit Stefan Bross. Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass wir uns im ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber. Il roule bien les R aussi. Allez, tout le monde tape dans les mains chez vous. Mais je pense qu'il tourne bien les R parce que dans son nom, t'es obligé de faire Mross quand tu dis son nom. Donc, c'est clair. Alors, en ouverture, donc là, c'est le premier. Donc là, pour cette ouverture, il y a Stefan Ross qui apparaît sur scène, un peu comme un Barney Stinson. En faisant des pauses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai il m'a fait penser à Barney Stinson. J'ai vu quand il glisse un peu sur ses godasses, une petite glissade, et après il descend. Quoi, genre, voilà, on vient de me poursuivre. Il y a une action avant. Et en fait, il a une vie avant le show. C'est ça qu'on veut vous dire. Voilà, il rentre dans le personnage, mais il le fait bien, je trouve. Quand je l'ai vu, j'ai fait. C'est un artiste accompli. Hein. Ouais, quand même. Hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein, parce que, savoir chanter, jouer de la instrument de musique. Et présenter une émission, c'est pas non plus... Et être présentable. Ouais. Hein. Parce que nous, on fait du... Ouais. Bon, on peut le dire. Depuis le... Tu voulais pas mettre un froc? Non, mais écoute, je suis chez moi. Ah, juste, ouais, bah, je suis un peu tranquille. Au moins, croise les jambes. Okay. Si tu veux. Écoute, les gens de capteur d'écran, ils me font jamais de remarques, donc je sais pas pourquoi toi, tu m'en fais maintenant. Ah ouais, ça c'est un coup à Mathieu ça. Ça m'étonne pas. Alors le premier à chanter à venir, c'est Andy Borg. Alors Andy Borg, lui c'est un vieux de la vieille. Hein. Ouais, c'est un peu, il a un petit air de Enrico Macias, je trouvais. Enrico Macias. Ouais. Dans ses, tu vois, un petit peu comme ça, un petit peu. Je trouvais qu'il avait un peu cet air là. Ah, et il nous chante Sarah. Sarah, exactement. Alors Sarah, tech. On va le laisser en bas jusqu'au refrain. Ouais. Parce que le Sahara, il faut le mettre. Ouais. Parce qu'ils ont. Ah, attention, ça arrête, je crois. Sahara. Ah, là, ça passe tout seul, tu vois. Mais ouais, alors. Alors, Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, tu dois être l'été. C'est une belle déclaration, ça. Exactement. Pensez-y pour la Saint-Valentin. Bon, changer le prénom quand même. Ouais, si c'est... Par contre, ouais, il est répétitif, hein, c'est la chanson, ça en est clair. Hein. C'est vrai que la répétition pour que le public sache les paroles, oui, c'est une base. Mais c'est vrai que lui, là, sur la chanson, là, je trouve qu'il a fait des choses mieux avant. Ah bon. Là, il est. T'avais d'autres choses mieux qu'il a fait avec moins de prénoms. En tête, oui, mais tu vois, il était plus. Ouais, là, je vous dirais qu'il se repose un peu. C'est peut-être un peu sa fin de carrière. Ouais, c'est peut-être sa fin de carrière. Ouais. Ouais, bah, il a été au top pendant des années et là. Il vient en tant que star là dans l'émission. Ouais, c'est clair. Il fait l'ouverture quand même. En plus, il était venu pour l'épisode du mois de mai et en fait, il a chanté deux fois. Deux fois. Ah bah, au début et à la fin. Je te dis, c'est la star. C'est la star. Il y a que lui, voilà, qui peut ouvrir une émission pareille. Ouais. Et il a un peu, je crois, la coiffure un peu à la Mike Brandt. Ah, mais un peu en grisonnant. La crinière de lion comme ça. Ouais, avec une petite tête d'Enrico Macias quand même, je le tiens, mais avec la coiffure de Mike Brandt, un peu le mix avec des Enrico deux. Enrico Macias et Mike Brandt. Oh la vache. Voilà. Ensuite, il y a une petite rencontre avec une famille, D'un jeune homme, ouais. Ouais. Et alors là, c'est la séquence émotion. Remercie sa maman. Non, c'est sa belle-mère. Je crois que c'est sa belle-mère qui. C'est la belle-mère qui il la remercie. Non, d'être, j'ai pas tout compris si sympa. À cette scène parce qu'ils ont vraiment insisté. Ouais, si, il est avec sa belle-mère et il dit vraiment ouais, ma belle-mère, elle est super sympa. Et elle gagne, c'est son anniversaire, je crois. Ouais, c'est ça. Et elle gagne une photo avec Stéphane. C'est quand même. C'est quand même magique. Sur scène, il l'amène sur scène. Ils font une photo. Qui ne rêverait pas de ça pour son anniversaire? Et après, il est... Tu sais comment bien te faire te voir maintenant, Knack, par ta belle-maman? Tu l'emmènes là-bas. En taille à échelle 1-1, quoi. Hein. Après, et après, elle disparaît dans les coulisses pour revenir plus tard. Ouh. Parce qu'ils lui ont préparé une surprise. Une surprise. Voilà. Et en attendant, bah, en fait, là, il y a Bernard Brink qui arrive. Alors Bernard Brink, tout simplement, je vais le lancer. Hop, il faut juste que je le trouve. Na wunderbar, einen Applaus für die Elke. Tu l'as aimé celle-là? Hein? Est-ce que tu l'as aimé celle-là? Ah oui, là on sent les années 80. Ça va être grave. Et d'ailleurs, le chanteur, je trouve qu'il a un faux air de Cookie Dingler, mais genre Cookie Dingler qui aurait pris 20 kilos. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont tous, s'il y a des ressemblances, ils ont tous pris 20 kilos. C'est jamais en plus fin. Ouais. Mais, non, tu vois, il y a un petit air là dans la musique de Parking des Anges. Tu vois. Ah ouais, il arrive sur le refrain. Alors moi, franchement, j'ai retrouvé qu'il ressemble un peu à un alcoolo qui transpire au soleil. tu vois, il vient de sortir d'une soirée toute une nuit à picoler. Ouais. Et là, il est en train de faire son truc et il galère. Quoi. Il y a des gouttes de sueur qui dégoulinent de son visage. Ouais. Moi, j'ai eu du mal. Quoi. Moi, j'ai eu du mal un peu avec lui. Mais il faut faire comme les gens qui sont là. En fait, il faut regarder les danseuses. Il y a des danseuses en robe blanche qui tourne autour de lui, c'est quand tu te sens un peu mal, hop, tu dis ah ouais, elle est danseuse, ah, elle est pas mal. Parce que lui, quand tu le regardes bien, t'as un peu l'impression que tu vois, il ressemble, tu vois, comment dire, un peu à un lapin, t'es pris dans les phares. C'est vrai qu'il a un air un peu. Ouais, et il a un petit décalage aussi avec le playback. Ouais. Je crois que ça, c'est un peu général. Et justement, je pense, est-ce qu'ils s'entendent ou parce que d'être complètement décalé comme ça pour des chanteurs, c'est leur chanson, quoi. quand c'est ta propre chanson, que tu la connais, reconnais. Non, mais c'est pas, peut-être il l'a chanté il y a longtemps et il s'en souvient plus trop. Ah, et ouais, du coup, il est un peu en décalage. Ou lui, il a refait une version ou qui n'est pas que similaire à celle qui est enregistrée. Ils m'ont dit, oh merde, ils m'ont mis la chanson radio edit, alors que moi, je connais pas celle-là, je connais le mix qui était sur l'album plutôt. Ouais. Et donc, ensuite, il y a un sketch avec un savant fou. Voilà, il y a un savant fou magicien. Alors, toi, t'as flashé dessus, je crois. Moi, j'ai flashé dessus parce qu'en fait, je vois bien dans le plus grand cabaret du monde et ce genre, il y a un magicien qui s'appelle Éric Antoine et qui, ben, en fait, c'est genre le même personnage, mais Mais en allemand, quoi. C'est, il a pareil, la blouse un peu de savant fou, les cheveux ébouriffés. Enfin, si vous voyez Eric Antoine. Et il a un accent aussi, l'allemand, là, il a un accent vraiment, vraiment, comment dire, vraiment forcé, quoi. Ouais, mais en fait, ça, voilà. Et comme Eric Antoine, ils ont les mêmes intonations, les mêmes trucs. Je me demande s'il y a un personnage qui se balade comme ça en Europe. Un peu partout où chacun aurait le droit de. Ce serait le cliché du savant fou. Ouais, c'est ça. Actuel. Non, mais je pense qu'il doit y avoir des droits pour refaire exactement le même personnage. Ouais, alors lui, il est fasciné. Bon, enfin, on va mettre copie comique sur le sujet. Hein, parce que... Et lui, il est fasciné par les réactions en chaîne. Ouais. C'est son truc, là. Il a dit. Et les tapettes à souris. Il veut faire des tapettes à souris, des réactions en chaîne avec des tapettes à souris. Ça, c'est le. Il veut lancer ça, quoi. Ouais, alors il demande à Stéphane, voilà, j'ai une tapette à souris, je mets une balle de ping-pong dessus. Qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce qu'elle va être balancée ou est-ce qu'elle va être écrasée par la tapette ? Et alors, Stéphane, il est un peu décontenancé par cette affirmation, comme on le serait tous, hein, on le serait tous, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Et du coup, ils font le test en direct et la balle, elle part et elle va dans les tribunes jusqu'au fond du truc. Quoi. Et t'as vu qu'à ce moment-là, Stéphane, il a un short de tyrolien en cuir. Ouais. Et il a des et donc il est vraiment épilé comme un acteur porno. Hein. Au niveau des jambes, franchement, il est lisse. Mais j'ai pas fait gaffe à ça. Une top modèle. Hein. Ah. Franchement, là, c'est. Ouais, c'est le short en cuir, ça se porte comme ça, hein, ça se porte épilé. Hein. Ah ouais, y a pas, c'est épilé. Moi, je suis plutôt modèle poil, que c'est pour ça que ça me choque. Non, mais après, ouais. C'est peut-être. Et moi, je suis nature. Quoi. Après, tu vois, c'est peut-être, c'est des Allemands, ils sont blonds, donc les poils se voient peut-être un peu moins. Ah, bah là, oui. Non, mais t'as zoomé sur l'écran ou non, mais c'est parce que ça brillait. Avec ça, vu que sur un plateau télé, t'as énormément de lumière. Ouais, mais il s'est peut-être et là, fait. Les jambes, il s'est peut-être fait huiler les jambes. Ou maquiller les jambes. Maquilleuse, non, un petit raccord là sur mon mollet parce que. pauvre travail de maquilleuse. On m'a acheté une bière sur les jambes. Ben oui, voilà. Retouche maquillage. Voilà. Et ensuite, après ces petites interludes, il y a les Kastelruther Spatzen. Alors, les Kastelruther Spatzen, ils reviennent. Est-ce que t'as aimé leur titre ? Ouais, une rose blanche. Ouais, la Weißrose. Voilà, eine Weißrose. Là, c'est la plus pure tradition. Là, ils sont cinq. Und ich war der Mann ihrer Träume. Alors eux, ils sont aussi au centre de la scène, enfin au centre du public et pas sur la scène principale. Alors eux, tu vois, je soupçonne qu'ils jouent pas tous en playback, parce que il y a un batteur. Le batteur, il tape. Hein. Tu vois, tu peux pas faire le contraire. Il tape. Hein, ça fait du bruit. Hein. Et par contre, le gars qui est au synthé. Il n'est pas branché. Tu l'as vu ? Ça, j'imagine, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est vrai que. Les trompettes, ils jouent. Ouais. Les trompettes, ils jouent. Ils ont les joues gonflées, ils bougent les trucs. En mode, tu peux faire tes joues sinon gonflées. Sinon, tu fais. Le son, il sort pas bien. Il faut vraiment pour souffler dans une. Que ce soit une trompette ou un saxo ou n'importe quoi, un corps. Il faut vraiment souffler. Enfin, c'est vraiment. Si tu souffles mal. Là, ça fait de la merde, quoi. Mais non, mais là, je pense que eux, ils jouent à moitié en playback. À moitié en playback. Ok. Bah, je note. Alors, pour leur style, moi, je me suis surtout attaché au style quand même des parce que il y a quand même du lourd. Eux, bah, ils ont les pantalons de cuir, les fameux. Mais pour apporter une dose de fantaisie, parce que quand même c'est dimanche, c'est festif, ils ont mis une cravate mais avec multicolore, mais avec des associations de couleurs que seuls les Allemands pouvaient inventer. Ils les ont trouvés, ça. Ah ouais, mais ils les ont tout le temps, ceux-là. Ouais, mais c'est fou, ça truc. Mais ça va avec, hein. C'est pas désagréable, hein. C'est juste que bah voilà, c'est le costume de scène, quoi, hein. Ça fait partie du personnage. Et alors toi qui connais bien. L'habit traditionnel, ils ont tous des ceintures énormes, on dirait des champions de catch, tu vois, ils ont des ceintures avec des boucles énormes. Elle doit faire 10 cm de diamètre, la boucle énorme en argent. Je sais pas, est-ce que c'est dans le costume traditionnel ou c'est une fantaisie de ce groupe? Non, mais je pense que t'as aussi un peu un truc d'avoir celui qui a la plus grosse boucle. c'est un peu ça. Mais la plus grosse boucle et la plus grosse BMW, c'est ça? Exact. Mais à savoir qu'ils sont italiens. Ah. À savoir qu'ils sont italiens, parce que le Castel Route, mm-hmm. c'est la région d'où ils viennent. Ouais. Et c'est du en Italie, c'est du Tyrol du Sud. Ah. Je crois que c'est en Italie. Je crois. Ah. Parce qu'ils parlent normalement en italien. Ah. Là, c'est pas les seuls Italiens, je crois. Je crois qu'on reverra un Italien plus tard. Donc pour moi, eux, c'est les spécialistes des clips cartes postales. Ouais. Parce qu'ils ont toujours leurs clips. Vous allez sur YouTube, vous tapez Castel Routerspatzen. Il y a une montagne au fond. Et tout le temps. Ils font des plans, c'est genre des travelling, avec des plusieurs plans, avec la montagne, eux, devant une fontaine, avec des filles qui arrivent. C'est toujours assez... Moi, je trouve que c'est presque un cas d'école, tu vois. Ouais. Et alors, par contre, eux, ils n'ont pas eu de chance sur la météo parce qu'il pleuvait le jour où ils étaient là. Mais les gens sont contents, ils tapent quand même dans les mains. Ah ouais, mais ça marche toujours, tu vois. Même la pluie n'arrivera pas à battre le Schlager. Exact. Et donc eux, ils sont hyper pros. Hein. Même quand ils chantent, ils ont le sourire. Quoi. C'est un truc, c'est vraiment... C'est, moi, je trouve ça énorme. Parce qu'ils sont vraiment... Ils sont imperturbables. Quoi. C'est un métier, Knack. C'est un métier chanteur. Ah oui, ouais, non, on ne s'improvise pas comme ça, chanteur. Que, le chanteur, il fait sa petite chanson. Et tiens, sur les caméras, il leur fait des clins d'œil et tout. Franchement, en chantant, il fait les... D'ailleurs, il y a du bateau en caméra hein, sur l'émission. Parce que même ils font des travelling avec il y en a qui courent ils tournent autour. Il y en a un qui est un spécialiste, il tourne autour des chanteurs. Et ça rend malade. Hein. Ouais. Non, mais ils ont investi dans une Steadicam. Maintenant, il faut la rentabiliser. Hein. Ils sont plusieurs parce que parfois les caméramans se filment entre eux. C'est genre lui veut passer et il y a encore l'autre caméraman qui est dans l'allée. Ah bah oui, c'est le spectacle live, il y a toujours des imprévus. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. Tu vois un peu les coulisses, l'envers du décor. Ça rend vivant quoi, c'est exactement. Le spectacle vivant. Et on enchaîne ensuite avec le ventriloque. Et son hippopotame. Sa marionnette d'hippopotame qui s'appelle Amanda. Elle a un jogging d'Adidas. C'est un beau jogging Adidas. La marionnette, hein, pas le. Ouais, lui il a un t-shirt avec l'hippopotame dessus. J'ai trouvé ça. Genre c'est mon hippopotame. Genre j'ai un groupe de musique et j'ai pris mon t-shirt. Non, tu te représentes toi-même, quoi. C'est maman qui me l'a offert. Alors Non, mais c'est son uniforme de travail. Tu vois, il dit voilà, je travaille avec l'hippopotame. Ils sont toujours le t-shirt et la veste de costume. Mm. Et ça, c'est un truc. C'est vraiment on va dire, c'est presque l'uniforme du Schlager aussi. Quoi. Ouais. Ça, depuis en France, depuis Philippe Vandel, on le voit plus. Ouais, mais il y a. Je sais pas qui c'est qui. Si, l'autre connard qui fait un peu le. Tard, les émissions tard le soir, qui les regarde pas. je regarde pas. Si, c'est un producteur de. Ah merde. Ardisson, voilà. Ardisson, il fait aussi ça. Ah, je sais pas. Bah oui. Je regarde pas. Donc, ouais. Donc, oui, je pense que Ardisson est un connard. Donc, si vous le connaissez, vous ferez passer. C'est le mot. Pas de soucis. De toute façon, je comptais pas percer. Hein. Et donc oui, par contre, j'ai pas tout suivi de ce qui Ah parlait. Non, moi j'ai pas compris. Est-ce qu'il faisait des blagues sur la grossophobie de l'hippopotame ou il se serait pas permis? Écoute, je pense que avec tout ce que j'ai vu, et tout ce que j'ai entendu de Imar Wiedersontag, je suis pas sûr qu'ils aient les blagues qu'on fait en France, c'est pas les mêmes que ceux qu'ils font. C'est une autre culture, hein, c'est une autre culture. On est plus dans les années 80-90, là. Hein. Ah, donc ils pouvaient peut-être faire des blagues sur la grossophobie. Pour moi, ouais. Ah, tu crois que ça joue? Oui, j'en suis quasiment certain. Parce qu'en fait, quand un ventriloque comme ça a un personnage comme ça aussi emblématique, il y a comment il s'appelle l'autre avec il a peur de, Ahmed, de se faire doubler. Non, mais Ahmed, le dead terroriste. Ahmed, le dead terroriste. Tu connais pas ce ventriloque? Non. Moi, il y a quoi? Il y a celui-là qui était assez connu, là, le dernier. Pataclock. Pataclock, ouais. Non, Cataclop. Non, Cataclop, c'est le cheval. Alors, attends, c'est comment il s'appelle? Jeff Dunham, c'est un Américain. Et il a une marionnette, c'est un squelette avec un turban. Et il dit que c'est un terroriste qui s'est fait exploser. Voilà. Ah, et donc, okay. Ça tourne beaucoup les blagues qu'il fait autour de sa marionnette, donc tu vois, autour du fait que ce soit un terroriste qui est mort. Là, donc je pense, si l'hippopotame, parce qu'on peut pas faire des blagues sur un hippopotame, on peut pas faire un spectre, enfin voilà, donc ce serait plutôt sur la grossophobie, d'autant plus que moi j'imagine l'hippopotame qui est en jogging Adidas, ce serait donc un premier pas sur le fait de dire je vais faire du sport, peut-être, hein. Et voilà, comme, enfin, je ne sais pas si le sport, tu vois, c'était pour faire sur les sportifs ou sur la grossophobie. Bon, si quelqu'un parle allemand. Hein. Ouais, parce que là, moi, je l'ai pas trouvé. Un sous-titrage. Je l'ai pas trouvé drôle, même. Hein. Oui, mais bah, si tu comprends pas les trucs, c'est sûr, ça aide pas. Ouais. Ensuite, il y a le chanteur qu'on a vu, c'est le suivant, c'est Jürgen Drew. C'est un gars de 60 ans avec les cheveux longs, blancs, chemise ouverte. Et il joue de la guitare. Mais lui, il n'est pas branché. Hein. Il est pas. Et on voit bien que. Vous entendez dans la musique, il y a le. Ça doit être fait à la guitare. Mais en fait, il ne le joue jamais. Et il n'est même pas en dedans. Et là on n'entend pas de guitare. Attends, écoutons un peu. Là, on entend. Et là, pourtant, il gratte tout le temps. J'ai pas noté. Ah oui, mais attends. La guitare. C'est pas n'importe quelle guitare. C'est une guitare en or, quand même. Oui. Et selon tout, ce que j'avais oublié de dire, c'est que donc, sa guitare n'est pas branchée, mais il a pas de micro non plus. Alors, ouais. Lui, il m'a impressionné. Alors moi je lui ai retrouvé un petit air de David Spade. Vous recherchez David Spade. David Spade, c'est un acteur qui a joué dans The Do Over avec Adam Sandler. Adam Sandler, le très bon acteur. Ou la série Voilà, quoi. Il a un petit air comme ça avec ses petits cheveux blonds, son air un petit peu où je comprends pas ce qui se passe, quoi. Et donc le titre. Ich brauche dir ein Schloss, je vais te construire un château. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit à Madame Schutz avant de lui acheter le manoir. Mais bon, ça, ouais, c'est assez moderne, hein. Il y a du boîte à rythme et tout ça. Ouais, non, c'est plutôt. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et ça se laisse écouter par contre. Ouais. On va en mettre un petit coup. Alors on est à fond dans le studio, je vous dis pas. Là on est. Là voilà. Donc je te construirai un château. C'est une belle métaphore de la vie, du mariage, de ce que devient un couple. Exactement. Quelque chose de solide. Merci Jürgen. Alors tous ces chanteurs. Moi, ça me fait penser un peu à Stoney Chardin, tu vois. Un peu les clips qu'il faisait à l'époque. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu cette. Je veux dire, la période un peu après Yéyé, quoi. Mmh. Où on est un peu plus sage et on y va, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on a donc vu Jürgen Drews. Et donc. Alors ensuite, il passe dans le public. Ouais, Stéphane passe dans le public. Alors il leur dit, oui, alors, qui est du Bad Württemberg? Et alors ils sont tous là, ouais, on est du Bad Württemberg, c'est trop cool. Et ensuite, il va interroger un vieux avec un bouc. Ouais. un non, peu non. Style d'Artagnan. Et avant, il demande, vous êtes d'où, je... Et il dit d'Alsace. Alsace, ouais. Elle fait, oh. Il part. Ouais, c'est vrai qu'il s'arrête chez un Alsacien et il se barre. Quand je l'ai vu, il a fait une tête que ça. Il fait genre... Mais tu viens de... Qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'es perdu, quoi. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et donc, il discute un peu avec ce vieux et tout ça. De sa... À l'ombre, à la dernière rangée. Voilà, il était tout au fond. On se demande pourquoi. Et en fait, il parle 5 minutes avec lui. Et au fur et à mesure, il y a tout le monde qui se pousse à côté de lui. Voilà. Genre il va lui arriver une merde. Genre, tu t'es déjà pris un saut de boue sur la gueule. Tous tes voisins qui se décalent un petit peu. Et il lui dit, ah, ben viens avec moi sur la scène. J'ai un cadeau pour toi. Alors déjà, quand quelqu'un te dit ça, c'est jamais bon signe. Alors, moi, je pense que c'est quand même vachement préparé en amont. Hein. Je pense que c'était préparé. À chaque fois dans les... parce que bon, ce qui passe à la télé, tu vois, ça laisse pas beaucoup de place, comment dire, au hasard, quoi. Mais là, quand même, parfois, il y a des trucs... Bah, là, il l'a choisi. Alors, il se dit, bon, je vais aller sur la scène. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver de mal? C'est de l'impro. C'est de l'impro. Et alors, durant la conversation qu'il a eue avec Stéphane, on apprend qu'il était professeur. Meister. Voilà, le Meister. Et donc, il a un cadeau pour lui. Et arrivé sur scène, qui ne descend-il pas de que ne descend-il pas, enfin, trouver une formulation qui... insérer une formulation qui convient. Copier-coller. Voilà. Qui c'est qui descend des marches de la scène? C'est toute son école, toute ou son ancienne école. Ouais, c'est ça. Voilà, où il était pour une séquence émotion. Exact. Et là, ils sont tous en train de... Ouais, ils font une petite... Ils font un petit discours, hommage. Ils les remercient. Ouais. Et bon, voilà, ça reste. Les élèves racontent un petit truc, un peu chacun. Comme l'émission Immer Wieder Sonntag, ça reste un peu. J'ai l'impression qu'ils font un peu caution famille. Oui, voilà, dire, c'est des bons sentiments. Famille traditionnelle. Enfin, c'est assez. Ouais, ça reste bien traditionnel allemand, la bonne famille et tout. Et alors, je me suis dit, là, on est en Allemagne, parce que si on avait été en France. On aurait eu adieu, monsieur le professeur, qui aurait été passé en fond. Et là, ils ne l'ont pas passé. Donc, on voit bien qu'on est en Allemagne. Exact. Et donc, après, ils ont même mis une grande banderole avec Danke. Ouais, voilà. Merci, exact. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et ensuite, si je te propose d'écouter Ben Zucker. Erstmal ein Kaffee im Stehen. Kurz ins Bad, dann die Kids aus dem Bett geholt. Aber Ben Sucré. Ouais. Alors, comme alors lui, il a quand même une bonne voix. Bah ouais, et il a la voix de son physique, pas de son look. Parce qu'il est tatoué. Et c'est un rocker. Rocker, t-shirt blanc. Alors, chemise de bûcheron. Ouais, chemise à carreaux, tu l'as aussi noté. Genre comme les Québécois. Regarde. Le refrain, il est pas mal. Franchement, il a du, ouais. Du coffre. On dirait du Garou. Ouais. J'ai pensé à ce du Bono de YouTube. Ah, ouais. Ou du Nickelback. Ah, un petit peu de... Aussi, tu vois, c'est un mélange. Mais il se donne à fond, hein. Parce que quand il chante, il devient tout rouge. Je sais pas. Ouais, non, mais lui, il fait pas de playback. Ouais. À lui, où il a bouffé un piment, une curie pour tout si avant. Mais il est tout rouge, en tout cas. Non, moi, je trouve qu'il fait vraiment une bonne prestation. Ouais, c'est un peu de... C'est un peu un petit Hallyday wannabe. Quoi. On a fait toute une série avec des vieux, tu vois. Et là, c'est vrai que là, c'est un petit c'est bol d'air, ça revient. Voilà. C'est plus rock. Ça... Aussi. Bon, moi, je suis aussi... Je suis bien rock, tu vois. Et là, c'est vrai que ça me plaît, tu vois. Mais il y a... Ça reste un peu... je suppose que c'est des banalités, tu sais, qui chantent. Ouais, mais... mais bon, après, c'est du Schlager, quoi. Et ça tape toujours dans les mains, tu vois. Il fait du rock et ça tape dans les mains. Que demander de plus, quoi. Voilà, ils avaient pas de briquet parce que je crois que c'était interdit aussi. Ouais, c'est surtout que c'est le jour à 10h, ça sert à rien. Mais par contre, je me demande comment ils filment, parce qu'il y a quand même des plans qui sont pris assez haut. Alors je me demande, est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est une grue avec un bras? Ils ont des bras. Ouais. Ils ont des bras. Comme ça. Parce qu'il y avait des trucs qui tournaient. Je me demandais s'ils n'avaient pas des drones. Tu vois. Bah non, parce que les drones, ça fait méga bruit. Ouais, mais comme ils sont en playback, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Ouais. On t'emmerde tout le monde quand même. C'est vrai. Et puis l'autonomie d'un drone. Si toutes les deux minutes, il faut descendre. Ouais, donc lui, t'es pas mal. Ben Zucker. On vous le conseille. Hein. Exact. Si vous êtes fan de Garou. Je ferai une petite playlist Spotify avec tous les artistes. Ah, je pense que c'est le truc. On te remercie. Ouais, je pense que ce serait bien quoi. Non mais je pense que là les auditeurs ils ont mis l'émission de Immer Wieder Sonntag du mois de septembre et ils nous suivent en même temps. Hein. Enfin, pour les plus fins, hein, pour les plus intelligents. Bah oui, après. Et pour ceux qui ne sont pas en voiture. Si vous êtes en voiture, ne regardez pas l'émission en même temps, ça pourrait être dangereux. Un peu la sécurité routière avant tout. C'est vrai parce que les couleurs jaunes du comment dire de la scène, des décors, ça peut éblouir, flasher, ça peut éblouir, attention. Exactement. Alors ensuite, il y a Stéphane, il joue avec des marionnettes. Ouais, une marionnette de verre de terre. Je peux trop. Ouais. Alors celui-là, il est un peu bizarre. On est d'accord. Voilà, c'est sa copine Anna Moissac hein, qui fait toutes les marionnettes. Ouais. Donc elle doit manipuler la marionnette. Il y a quelqu'un qui fait une voix off. Voilà, ce qui a l'air tout à fait probable. Ouais. Alors je sais pas ce qui lui met la main de la marionnette. Enfin, ouais. Bref. Ensuite, un gars, c'est Cocorico. Et justement, lui, je suis sûr que c'est un Français. Ah bah oui. Et peut-être même un tueur en série. Daniel Gérard. Non mais c'est un artiste très connu de en France, enfin des années 60, tout du moins. Alors, particularité, ouais. Comment on sait que c'est un Français ? Parce qu'il chante en anglais. Ça c'est vrai. Mais c'est le seul qui chante en anglais de toute l'émission. Eh mais j'ai pas. Non mais pour moi Daniel je l'ai. Non mais c'est. Ça c'était avec un J. je crois pas qu'il est français. Hein. Je crois qu'il est allemand. Non, il est français. Il est français. Ouais, j'ai vérifié. Je le connais. Non, il a chanté d'autres choses. Parce que déjà moi j'ai remarqué qu'il oubliait de jouer la guitare quand il fallait jouer. Oui, parce qu'il a son style, on vous le remet, hein, il a son style de hippie, tu vois, mais qu'il l'a gardé avec depuis les années 60. Maquillage tendance Jack Sparrow. Hein. Oui. Il a de l'eyeliner, il a les cheveux quand même bien fatigués. Pour moi, c'est une sorte de Maxime Le Forestier avec sa guitare. Alors Daniel Gérard. Sinon il est né à Paris, hein. Né à Paris. Ouais, en 39. D'accord. Mais moi je l'ai pris. Tu vois, il fait bien allemand. Oui, il se plonge dans le décor, quoi. Il fait l'international. Ouais. Il fait le boulot. Non mais parce que je connaissais cette chanson d'avant déjà. Je l'avais déjà entendue. Je lisais Butterfly. Donc le beurre qui vole. Non mais justement, je me disais tiens pourquoi ils ont pas fait en allemand une chanson qui s'appelait Schmetterling. Et ouais, parce que Schmetterling. Mein Schmetterling, tu vois, ça passe en plus. Mais oui, je me dis pourquoi ils ont pas. Mais en fait, c'est passé un français. C'est voilà. Le même nombre de consonnes de syllabes. Oui. Ça tape. Alors que papillon, ça marche moins bien. Ouais. Mais donc oui, alors clairement la guitare c'est de la déco quoi. Ouais. Parce qu'il fait même pas les accords. Ouais. Tu vois que de temps en temps il tapote dessus. Comme ouais, voilà, j'ai quelque chose dans les mains, quoi. Et pourtant, ça pourrait être faisable. Hein. Je veux dire, je suis pas artiste, mais je pense que chanter et faire cette partition, ça va, quoi. C'est pas non plus, mais je pense qu'il le faisait dans les années 60, hein, mais... Il n'y a pas des solos de folie, quoi. Non, mais ouais, mais il était en... Mais je crois qu'en la chanson, il y a une version française où il parle un petit peu plus en français. Là, il n'y a vraiment que de l'anglais, mais je crois qu'il a fait une version... Alors, Mais j'ai trouvé, ça, ça passe quoi. Voilà. Bon, c'est répétitif, mais ça passe. Voilà, mais c'est pour ça qu'on l'a pris. Et alors, on va faire un petit point sur le public. Parce qu'en fait, de temps en temps. Il y a du monde debout là. Ouais, là, ça frappe dans les mains. Pour et ça, il y a quand même. Et les caméras tournent dans le public. Et donc, filment des gens en particulier, plus ou moins en plan serré. Et là. On voit que chez les spectateurs, toutes les techniques sont bonnes. Donc, par exemple, là, dans cette chanson, il y a trois femmes habillées en bleu, t-shirt bleu, chapeau bleu. Donc, elles se sont dit, bon, allez, pour passer à la télé dans le truc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit ensemble. Voilà, qui nous caractérise. Mais elles étaient tellement ensemble qu'elles avaient tout fait ensemble. Et en fait, leurs mains, elles faisaient genre les vagues comme ça. Et en fait, elles ne le faisaient pas en même temps. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Ça cachait un peu. Mais voilà, donc les gens mettent des chapeaux, s'habillent. Ça pourrait être en groupe. Mais ça, c'est, mettre du rose. Ça, alors, je ne sais pas si c'est. Non, ça, le rose, c'est les avions. Pour moi, ça vient du carnaval. Quoi. Ouais, les groupes de carnaval en Allemagne, c'est. Si vous voulez, c'est un peu, c'est un peu comme des clubs de, ouais, des clubs de rencontres. On va juste faire la fête et on se met un t-shirt tous les mêmes, comme ça on se reconnaît, quoi. Et du coup, j'ai reconnu les chapeaux gris, les chapeaux suisses pointus comme ça, avec une espèce de corde de scout, tu vois, le foulard de scout autour. Et cela, je suis sûr que c'est des Suisses. Ah. De balles. Bah, monsieur est précis. Hein. Parce que quand je faisais du canoë, il y avait un mec qui venait du Ningue et il l'avait ce chapeau. Et c'est parce qu'il avait fait le carnaval de balles. Ah. Donc le fameux carnaval de balles. Le carnaval. Exactement. Il y a Rio, Nice et balles, quoi. Ouais. Y a... C'est juste à côté du trou. Voilà. C'est bon, on l'a fait. Hein, Et donc, on enchaîne avec un autre ventriloque, enfin une marionnettiste ventriloque. Exactement, Muzzarella. Muzzarella, donc une chanteuse d'opéra. Un beau solo d'opéra chanté. Donc, tout en ventriloquie. Exactement. Et avec le sourire. Et je ne l'ai pas remis. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était bien. Ah, c'était super. C'était bien. Mais c'était une chanson, c'était... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ouais. Voilà, c'était cette air-là, mais mieux chantée. Parce que, en fait, moi, je me suis concentré sur le passage d'après. Et je pense que tu sais exactement de quoi je veux parler. Parce que nous, on avait, à un moment donné, une émission qui s'appelait La Nuit des Records. Eh ben eux, ils ont ça intégré à Immer Wieder Sonntag. Exactement. 2-1, go. Tom, tom, tom. Alors. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Attends, on va laisser un peu de temps. À votre avis, quel est le record à battre? À réaliser déjà. Alors déjà, c'est une visseuse Bosch. Je place. Hein. Alors, visseuse professionnelle Bosch. Non, mais il y a une belle mise en scène dans ce passage-là, je trouve. Ouais. Ça commence par Stéphane, qui épluche des pommes. Ouais, et tu vois que ce petit sac à merde, là, il balance toutes les épluchures par terre. Et il fait ça, mais... Il fait genre, ouais, il est en train de discuter, il a son micro, tout va au micro-cravate, il fait la discussion, il raconte sa petite histoire, et tout en pelant, comme un petit vieux, les une pomme. Je suis sur tes gammes. Et cet enfoiré, on prend un bout de journal ou... Non, mais il y a une table à côté, en plus, il pourrait mais le faire simplement sur la table. Mais non, mais et en plus, il est plus chat. Je suis sûr que tes enfants, ils le font mieux. C'est dégueulasse. Il est trompettiste. Hein, je dirais, il est... Mais il doit être manuel même. Donc, le record consiste à éplucher le plus de pommes en une minute. En une minute. Et il cède d'une visseuse Bosch. Voilà. En fait, et donc, ouais, la personne arrive. On nous dit faut qu'il épluche le plus de pommes. Et on voit un mec qui se ramène avec sa visseuse électrique. Et le mec sans fil. Alors, ses bras, c'est mes deux cuisses. Hein. Le mec est super balèze. Ouais. Mais rien dans les jambes. Hein. Il est vraiment taillé en V. Est-ce que ça aide pour le record? Tu te dis là, il va faire un truc super physique. Je pense que ça pourrait aider, tu vois. Ah, d'être plus fin, tu vois, plus agile. Ouais, plus agile. Parce que je pense que ça le. Ben, tu sais, ça t'as du poids à déplacer, quoi, ouais. Quand même. Hein. Parce que donc, il enfourne la pomme sur la visseuse. Oui, exactement. Et en s'aidant d'un économe traditionnel, on va dire. Un rasoir, modèle rasoir. Modèle rasoir. Ouais. Je ne connais pas la terminologie exacte. En fait, il fait tourner la pomme avec sa perceuse et il pose juste l'économe dessus pour éplucher. Mais c'est propre, hein, c'est classe. Oui, classe. Sauf qu'au centre, c'est dégueulasse parce que t'as ta perceuse avec laquelle t'as percé des trous juste avant. Quoi. Pourquoi ? Et donc, il utilise une mèche à bois. Hein. Donc, c'est pas. Ah, pour que ça s'accroche pas, mieux. C'est pas une. C'est une. C'est une tige. C'est une tige plate. C'est une tige et elle est plate avec, ouais. Avec deux ailes qui justement aident à virer le bois. Quoi. Et du coup, ouais, ça c'est vrai que c'est un bon outil pour à pratiquer. Quoi. Et voilà. Et spoiler, il réussit. 10 pommes en une. Ouais, et je pense que son record est totalement prenable. Parce que, non, franchement, moi je l'ai vu. Mais... Ouais, franchement, il est tranquille. Ok. À la fin, je note. À la 25 avril, au Knackfest, concours d'épluchage de pommes. Je note. Faudra que je voie qu'est-ce que c'est comme visseuse que vous avez au boulot, c'est ça ? Ouais, je pense qu'il faut prendre plutôt une professionnelle. T'as plus de couple et de vitesse. Mais si t'as une longue lame, est-ce que tu peux pas en enfiler 3 dessus et... Non mais je pense que êtes huissier de justice, rendez-vous le 25. En restant vraiment sur les mêmes caractéristiques, ouais, je pense que il y a moyen de légaliser parce qu'à un moment donné, il y en a une où il se plante un peu, il y en a une autre où il se reprend un deux fois, il arrive pas à bien la planter, en fait ça fait un faux rond, bah, il est pas bien au centre, s'il tourne mal. Donc il a tourné mal. Rendez-vous le 25 avril. Je pense qu'il y a peut-être pommes. Quelque chose à faire là-dessus. J'aime surtout ce moment où il lance le chrono. Go. Et en fait, ils regardent et disent « On va dire quoi maintenant ?» Non mais là, il y a la tension dramatique de, tu vois, les pommes qu'on fait tourner comme ça. Et même le public, alors il y en a certains applaudissent quand même, mais tout le monde est suspendu à cette performance physique. Quoi. Voilà, donc 10 pommes en une minute. C'était le plus long passage qu'on a fait sur le piste. Il n'y a pas de musique, mais sinon c'est ça. Non mais ouais. Et record du monde. Je ne sais pas si c'est du monde, je n'ai pas trouvé, mais je crois que c'est d'Allemagne. On ne dit pas Weltrekord. On vérifiera. Il a dit juste record, je crois. Ah. Et maintenant, c'est Amigos. Donc, je lance. Moi, je les ai pas aimés. Mais je les aime pas déjà de base. Déjà, c'est des vieux qui utilisent de l'autotune. Ah oui, oui, ça j'ai vu. Et en chemise rose. Ça... C'est vrai que j'ai noté les voix d'autotune. Regarde-moi ces sons de synthé. C'est un truc. Genre, t'es à deux, un qui chante, un qui joue du synthé. C'est vrai que les débuts de soirée faisaient mieux dans les années 80. Ouais. Ouais, les voix d'autotune. Ils sont vraiment sur la fin. Ils se disent l'autotune, les jeunes, ils font ça, ça marche. On va faire ça, ça va marcher. En fait, non. Ouais. Non, mais après 50 ans, on peut plus faire de l'autotune. Ah non, mais là, eux, ils ont pas 50 ans, ils ont beaucoup plus. Oui, mais donc, même à partir de ça, on vous le dit, le chanteur, il est. Donc, je pense qu'il a des rajouts sur la tête. Il a des cheveux blonds, pas naturel, quoi. Comme un enfant. Hein. Et encore un enfant qui a passé pas mal de temps au soleil. Non mais ils m'ont fait peine, quoi. Ils se sont dit, mais c'est la fin. Ouais, pour moi ils sont vraiment périmés, quoi. Ouais, ils ont fait un petit ajout d'autotune là. Ils les ont gardés pour le best-of parce qu'ils se disent voilà, c'est peut-être la dernière fois qu'on les verra. Exact. Et ensuite, on a un quiz. Hein, un quiz, je sais pas, moi je l'ai trouvé nul. Tania et Beate qui doivent, ouais, qui doivent retrouver la personne. Enfin, une personne. Comment une personne célèbre. Ils ont des questions à répondre et il faut qu'ils se débrouillent. Voilà. Non, mais il y a une dame qui est sur le plateau et elle va donner des trucs sur son grand-père, dire des trucs sur son grand-père. Et les deux doivent trouver qui est le grand-père. Ouais. Alors, pourquoi, comment ? Alors, celle qui gagne, elle gagne un petit panier Gardi. Celle qui perd, elle gagne... Ah non, elle gagne pas... C'est parce qu'en fait, la personne qu'ils doivent trouver, c'est un musicien. Ouais. Et donc, voilà, elle dit oui, alors mon grand-père, il était musicien et tout ça. Donc, ils trouvent qui c'est. J'ai pas noté le... J'ai noté le... Heinz Erhardt. Pas super connu. Mais donc, celle qui gagne, elle gagne le CD numéro 1 de Heinz Erhardt. Et l'autre, bah, elle gagne le CD numéro 2. Super. Ça valait la peine de se donner à fond pour le jeu, quoi. Ouais, parce que généralement quand ils sont en train de discuter, tu le vois toujours, genre ils se baladent avec le CD de Immer wieder Sonntag. Genre ils glissent une petite regardez, il y a le CD qui existe. Fais, ah, t'as vu, hein. À l'approche de Noël, ça peut être une idée de cadeau, hein. Ah ben voilà. Tu vois, vu que bah ce sera cet épisode sera un épisode de Noël, hein. On peut le dire. Exactement, oui. Et donc ensuite, on a Béatrice Egli. Alors là, coup de jeune sur la scène. Pourquoi ? Non, c'est parce que les yeux, ils sont vraiment vieux. Ouais, parce qu'elle a un genre de tunique un peu large. Le genre de tunique où le bas et le haut sont ensemble, quasiment. Avec une petite ceinture et un décolleté genre jusqu'au nombril, quoi. Mais une couronne de fleurs sur la tête. Ça, c'est donc la ça reste assez puritain. Quoi. Ça fait un peu, ouais, ça fait suédoise, je dirais. Non, moi, je dis juste que ça fait allemande, de touriste allemande qui part en Australie, tu vois, et elle est contente. Genre, là. Terra Australia. Et alors j'ai remarqué, à un moment donné, elle se balade dans le public, il y a un petit garçon qui lui offre une fleur, et quand elle se baisse pour lui prendre la fleur, il a une vue plongeante dans son décolleté, et la caméra juste au-dessus de ce petit garçon aussi, et il repart avec un sourire, je pense que lui, il a vu une paire de boobs dont il se souviendra pour un moment. Et en plus, je crois qu'elle a du mal à attraper ce que le gamin il veut. Genre, ce gamin il fait exprès de le tout faire tomber par terre encore. Ça. Bah oui, mais là je pense que lui il se souviendra longtemps de ce Immer wieder Sonntag. Et en tout cas, là vous voyez, on écoute la chanson, mais ça fait une bonne Laurie. Ah oui, c'est un petit peu le style. Ouais, c'est, voilà, c'est. Et on lui demande, mais t'es parti où en vacances ? Ah d'accord, merci, j'avais pas compris. Ah non, mais c'est bien l'Australie. Il fait bien, il fait chaud. Exact. Donc c'est un peu. Ça fait aussi penser un peu à Shakira, tu vois. Ah oui, le Oeo là. Ouais, parce que Shakira en Allemagne, c'est une demi-déesse. Quoi. Non, c'est une déesse en Allemagne. Considérée comme une déesse. Ah, mais... Ils ont un fan club en Allemagne, c'est un truc de malade quoi. Je ne sais. Ah ouais, c'est. Moi je pense que Mylène Farmer, elle peut se rhabiller. Quoi. Non, mais elle est pas si joyeuse que ça, Mylène Farmer. Sans vouloir m'attirer les foudres des fans de Mylène Farmer. Ouais, alors ensuite, donc là tu vois, on est sur la joie, les vacances et tout, ouais. on est bien, tu vois. Et là, je sais pas si t'as vu, mais Stéphane, il vient se mettre assis avec une famille à côté d'un petit blondinet, là, ouais. Qui doit avoir 7-8 ans. 7-8 kilos de trop aussi. Ouais, aussi, non, non mais c'est... Encore non, ça, non, on est non, non la grossophobie non. Non, on n'est pas pour. Mais Non, mais en fait, il se met à la table et il commence à discuter avec la famille. Et je sais pas ce qu'il leur prend. Il commence à bolosser le gamin. Mais ils lui font la morale ou je sais pas exactement ce qu'ils font. Oui. Ou parce que là, j'ai pas tout compris. Moi, j'ai pas tout compris. Et le gamin. Mais parce qu'il était malade ou un truc comme ça, non? Ou il lui dit. C'est un peu ce que j'ai un peu eu cette impression comme quoi il s'était passé quelque chose avec cet enfant. Et que maintenant, tu vois, on est là et tout. Maintenant, c'est reparti. Voilà. C'est un second souffle. Moi, je l'ai interprété comme ça parce que j'ai pas compris les paroles. Mais. J'ai tout basé sur le clip. J'ai rien compris. Pareil. Comme ça, on est deux. Parce que après la mère elle fait un petit après l'avoir bolossé, la mère elle lit un petit texte plein d'émotions parce qu'elle est en pleurs, le gamin il a les yeux mouillés. Stéphane aussi. Ils le font chialer. Hein. Non, mais voilà. Il chiale vraiment bien, le gamin. mais c'était moment d'émotion. Elle lui dit oui, t'as été chiant, mais je t'aime quand même. C'était un peu ça qu'elle attends, l'a dit. Attends, mais t'imagines l'expérience de l'enfant. L'expérience là, de l'enfer, ouais. T'es en direct à travers toute l'Allemagne. Déjà, il osait pas trop répondre. L'Autriche, la Suisse, la Hollande. Et là, tu te fais bolosser en direct. Tu te fais bolosser en direct. Tu te fais bouli en direct. Ils te font chialer. T'imagines, mais alors ça c'est le dimanche, mais le lundi, merci voilà, Stéphane. Mais heureusement, là pour le coup, franchement, j'étais choqué. Heureusement, happy ending, parce que bon, il a fait un truc de mal, mais maintenant ça va mieux, enfin, d'après ce qu'on a compris. Mm-hmm. Et Stéphane lui offre une baguette d'Harry Potter. Hey, c'est pas la classe. Il pourra dire, ouais, je me suis peut-être fait bolosser par Stéphane, mais moi, j'ai une baguette d'Harry Potter. Ça, c'est vrai, mais bon, tu vas à la boutique Harry Potter, c'est quand même pas très cher. Hein. Non, mais là, c'était une vraie. Il a dit, à une richtige baguette. Avec une ventricule de dragon dedans. Sûrement. Ok, bon, si c'est une vraie. Mais il y avait un moment, mais c'est vrai que c'était un moment de gênance. Puis d'émotion. Même le père et la sœur qui étaient à côté, à un moment donné, ils ne savaient pas trop où se mettre. Ah, mais parce que là... ouais, franchement, je ne sais pas comment... On va faire parce traduire bon... ce... Faut qu'on fasse traduire ce passage. Ouais, parce que bon, on est quand même sur... ouais, voilà, se faire pourrir en direct, quoi. Je ne sais pas quel impact ça... Je me doute que ça a un impact psychologique hein, sur la vie de ce petit garçon. Ouais, je pense. Ça se trouve, il était juste malade ou un truc comme ça et ils lui ont foutu la misère. En tout cas, ouais. Là, donc, t'as encore pas baissé la cuvette des toilettes. Donc, c'était le premier enfant qui a lancé un mème, là. C'était aussi un Allemand, hein. Ah ouais, le 999 qui casse son PC, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Ben, tu vois, c'est peut-être une nation... Mais il se faisait, à ce qu'il paraît... La nation du même, quoi. À ce qu'il paraît, c'est parce qu'il se faisait bully aussi qu'il était énervé. Et maintenant, ça. Il est devenu méga balèze, il est à la muscu. Et maintenant, c'est lui qui bully les mecs. Ouais, exactement. Et... Et donc, ouais, ils ont peut-être un petit terrain. ils aiment faire chier les gosses. Voilà. Mais bon, voilà. Il avait peut-être cherché aussi. Après, on n'a pas tout compris. Hein. nous, on se base sur les images. Hein. Attention. Voilà. Donc, on enchaîne avec... Exactement. Avec... Nick P. Nick P. Alors, Nick P, il a des lunettes violettes. Il a... Alors, moi, j'ai noté qu'il avait Il a un petit air de Kansas of Elsass. Ah ouais. Pour les connaisseurs. Et il a une grosse moustache. Ouais. Aussi. Grosse moustache, lunettes violettes, costume. Bon, ça clappe, hein, quand même. Geboren um dich zu lieben. Ça veut dire quoi? Être né pour t'aimer, quoi. Ouais, écoute, là, je sais pas trop. Je comprends pas tout non plus. Non, mais je pense que c'est... Mais il m'a pas super ambiancé, lui. Il était assez un peu mou, comme ça. Ouais, c'est pas original. Voilà. C'est ça, le truc. Il rentre dans le cahier des charges, quoi. Voilà, mais il y a pas le petit plus, quoi. Exactement. Alors... Ensuite, il y a une petite instant école des fans. Dans toutes les émissions, t'as un instant école des fans. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est Gertling. Ouais. Gertling. Et donc, elle va chanter une petite chanson traditionnelle, enfin, d'école de musique, quoi. Hein, ouais, bah oui, c'était avec un gars avec un haut piano derrière. Ouais. Comme à l'école des fans aussi. Exactement. Et il dit, ouais, ta maman, elle est dans le public, oui, voilà, tout ça. Voilà, donc c'est l'ambiance de tout le morceau. Hein. C'est de la comptine allemande. Voilà, et donc à la fin, elle gagne un espèce de gros paquet avec un masque et des tubas. Tuba. Ouais, voilà. Et des palmes. Super. Donc je fais, ok, bah dis donc. Là, ça valait bien la peine de se faire chier. Ils les ont pas payé grand chose. Hein, parce que... un masque. Alors, tu te fais chier à te faire un masque et du bas. Alors que l'autre gamin, il a rien fait. Il a eu une baguette d'Harry Potter. Il n'y a pas de poids, de mesure. Quand non, même. Mais elle a pas pleuré. Et alors, pourquoi le mec au piano? Alors, moi, je pense que les mecs au piano, comme dans l'école des fans, en fait, c'est pour qu'ils puissent s'ajuster à la vitesse de l'enfant. Des fois, qu'ils fassent des... Tu vois, s'il n'est pas dans le rythme... Un petit freestyle, quoi. Directement, il adapte. Alors que si t'es sur de la musique sur le CD, elle ne s'arrête pas, tu vois, elle continue. Alors que là, au piano, il peut faire hop, discretos, ouais, c'est bon, ça passe. Ça, j'ai même pas pensé. Si, si, ça, moi, j'avais déjà réfléchi à cette théorie d'école des fans. Parce que j'ai regardé beaucoup l'école des fans. Voilà. Et donc ensuite, on a un groupe qui s'appelle Höhner. Höhner. De nouveau sous la pluie. Eux, ils ont pris la pluie. Ouais. Tout le monde est sous les bâches. Les bâches, on sait toujours pas d'ailleurs si elles sont payantes ou pas. Si vous y étiez, dites-le. Il y a quand même une inspiration Beatles. La pop anglaise, indéniable. Ah oui, là faut qu'on parle. Laisse la musique en fond parce qu'on va revenir là-dessus. Ouais. Donc c'est un peu des rockers, mais vieux rockers. Quoi. Ah ouais, des vieux rockers. On est d'accord. On est pas sur la première jeunesse. Hein. Et alors il y a une petite particularité de quand ils chantent. Quand ils chantent les couplets, quand ils chantent les couplets, bah les gens ils se mettent en pause, genre comme s'ils étaient des statues. Donc là, les gens sont en pause, là, oui, comme on entend. Et au moment du refrain, tout le monde bouge et applaudit. Alors que là, il n'y a pas d'applaudissement, écoutons. Enfin, il y en a un peu quand même, parce qu'il y en a qui ne suivent pas le mouvement. Hein. Mais les gens à l'écran se mettent en pause, comme si on n'a pas le droit de bouger parce que 1, 2, 3 soleil, c'est le couplet. Et après, le refrain revient. On peut de nouveau taper dans les mains. Et tu peux aussi voir sur la scène, les musiciens ils bougent pas trop parce qu'en fait la scène elle est trempée. C'est une patinoire, un truc de malade quoi. Bon. Ah, c'est vrai que ça doit être assez glissant quoi. C'est... Tu les vois, ils sont un peu genre ils sont raides, tu vois. Ils ont pas envie. Et en fait, ça a l'air de glisser à mort. C'est pas le moment de se faire un col du fémur quoi. Alors, âge. Ouais. Ouais, voilà, donc pensez bien si vous êtes un groupe. Ouais, j'aurais lancer ce truc là. J'aurais bien vu, tu vois. J'écoute Binous USA, tu vois. Ouais. Et Patrice et Stéphane jouer cette musique, tu vois, ça ne m'étonnerait pas, tu vois. Je les verrais bien là-dedans. Bah alors on leur demande pour un épisode s'ils pouvaient nous chanter une chanson. Si vous avez écouté jusque là, déjà, bravo. Et je pense qu'il y a un petit truc, tu vois. Donc voilà, c'est. C'est bien sympa quoi. Comme moi j'ai bien aimé celle-là. C'était dansant et le fait que les gens s'arrêtent comme ça dans le ça prouve la participation du public, tu vois. Et justement dans le refrain ils peuvent aussi faire le c'est vrai. Donc c'est vraiment tout un c'est faire participer public. Hein. C'est vraiment Skip the Use, ils le font. Alors c'est ils vont se rendre à remplir plein de salles de concert. Hein. Ah. Donc tu crois que Skip the Use va écouter ce podcast? jusque là. Non, je pense pas, parce qu'en fait, même parce qu'en fait, je me suis fait avoir, parce que tu vois, nous on est des petits podcasteurs, tu vois. Donc on n'a pas de comment dire de community manager, tu vois, pour notre petit profil Twitter. Et en fait, si, attends, j'ai tweeté avant. Donc ils ont discuté avec moi, tu vois, mais comme si c'était le chanteur, tu vois. Ça, ils utilisent un peu la même façon dont ils s'expriment, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, non, elle s'appelle Barbara. Donc Barbara, je te remercie parce que c'était cool les places. Et de toute façon, je t'ai remercié déjà plusieurs fois. Voilà. Bah voilà, bisous. Merci Barbara. Et alors, on va enchaîner ensuite avec Freud Weiber et Opa Stéphane. Exact. Alors Opa là... Stéphane, moment gênance. Ouais. Alors là, alors, donc, les... ils sont déguisés. Donc, Stéphane Ross, il est déguisé en vieux. En vieux, avec une autre actrice. Alors, est-ce que c'est sa femme? On ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle était trop bien maquillée, on n'a pas vu. Ouais, non, mais je veux dire, là, ils étaient quand même bien... ils étaient bien déguisés, quand même. Ah oui, le déguisement était bon. De toute façon, Europa Park, tout ce qui est déguisement, ils sont sûrs. Ça, c'est un truc, que ce soit la nuit de la terreur, là, Apocalyptica, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, ou juste la parade, ils sont toujours bien foutus. Il y a du matos. Exact. Il y a des sous, il y a de quoi faire. Il y a même une piscine, maintenant. Et donc, voilà, il nous explique qu'ils font du golf. Du golf, pour ouais. vieux, pour senior, du golf senior. Et donc, quand ils font du golf senior, ben la balle de golf, pour qu'ils la voient bien, elle fait environ la taille d'une balle de foot. Une balle de foot, c'est... Moi, j'avais vu une balle de tennis. Non, c'est une grosse balle de foot. Donc, j'ai pas... Et donc, il la frappe avec sa canne. Et puis, ils vont à un autre endroit en disant, voilà... Enfin, des blagues sur le golf, sûrement. Les vieux, le golf. Voilà. Ouais. Je pense que c'était à ce niveau-là d'humour, quoi, sur les, mm-hmm. sur les vieux et le golf. Ok. Et ensuite, il y avait une chanteuse qui est passée, donc qui s'appelle Maïté Kelly. Ah, donc, oui, Maïté. Je pense que c'est son vrai nom, Maïté Kelly. C'est pas un nom de scène. Tu penses que... Moi, je pense que Maïté, c'est son vrai nom. Kelly, je suis pas sûr. Ah ouais. Et alors là... Alors c'est ambiance diva, quoi. Ouais. Et alors là, on va reparler des danseurs. Exactement. Parce que là, on est vraiment dans les années 80. Alors déjà, moi, je voulais... Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu de cadre? Bah juste... Avec les deux danseurs de Traki. Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu... Qui posent des fenêtres à l'arrière. Oui, parce que, alors on vous explique, il y a deux danseurs qui sont avec elle. Ils ont un demi-t-shirt. Ouais, ils ont un demi-buste en cuir. Un demi-t-shirt buste, ouais, en cuir blanc avec juste une lanière qui ferme complètement. Ouais, un peu comme. Un peu comme les deux Traki. Hein. Ouais, entre les deux Traki et Lilou Dallas du cinquième élément. Et ils ont chacun un cadre blanc. Un cadre de tableau, mais vide. Et ils la font passer, et font passer les cadres autour d'elle, comme si elle était des un plans, tableau. Ouais. C'est. Ouais, la danse contemporaine, c'est... Non, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée, sauf qu'il n'y a pas les explications de l'artiste, je pense. C'est comme c'est... dans tout. C'est dans, ça. Mais il nous manque la traduction des paroles. Quand tu n'as pas les explications, tu n'as pas tout, tu vois. Voilà. Et la musique ne fait pas tout, il faudrait les paroles, là, tu vois, c'est... Je me suis pas concentré c'est clair sur que les... La musique, elle fait pas tout, hein. c'est du pumchak et un peu de synthé, et après, tout est sur la voix, quoi. Mais je trouve ça fait... les clips, c'est un peu ce qu'on voyait dans les années 80-90, là, où on voulait faire des danses un peu trafiquées pour faire un peu genre comme Madonna, mais où on n'y arrivait pas. Bah, c'est un peu ça. Et ouais. Sauf que là, on n'est plus dans les années 80, quoi. Donc, c'était un peu décalé. Mais ça allait un peu avec la diva, je trouve. Ouais. Avec ce qu'elle chante. Ouais, ça allait, quoi. Avec ce qu'elle chante, qui est quand même assez années 80. Vielleicht, peut-être. Voilà. Donc voilà pour Maïté Kelly. Et ensuite, on a eu un groupe qui s'appelle Fantasy. On a une petite. On a juste avant un petit passage de marionnette. Et oui, exactement. J'ai zappé, mais t'as très bien. Marionnette. Alors, on a de l'accordéon. Pour faire ambiance française, il dit « il y a Franzosisch oui. ». Donc, le petit ver de terre qu'on avait déjà vu avant, on ne savait pas ce qu'il racontait. Exact. Là, il a un béret et il fait de la peinture. Alors, il fait de la peinture. Enfin, il lui manque juste la baguette sous le bras encore ouais. pour dire qu'il est français, quoi. Et on nous met un petit air d'accordéon. Et alors là, on dit « ah, ben là, on est en France ». Il y a toujours de l'accordéon. Mais même à Europa Park, donc ils ont refait la boule. Donc la boule, ils ont fait comme quoi c'était le roller cancan, French cancan, roller coaster, je sais plus quoi. T'es obligé de lever les pieds quand tu es dans la boule. Ouais, mais en fait c'est un peu dans le. Donc tu fais tout l'attente dans un espèce de comment dire d'atelier d'artiste des années ça, ouais. Fin 1800 quoi. Ouais, voilà, bon. Donc c'est un peu le tout ce qui est chat noir et tout. Voilà, t'es dans cette époque là. Et quand t'arrives ensuite dans le manège, c'est un peu le parce qu'en fait ils mettent plein d'endroits où t'as avec des bouteilles d'absinthe et tout. Et donc là, le manège, c'est un peu l'hallucination d'absinthe d'un artiste. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ok. Parce que tout est dans le noir et donc tu passes avec ton wagon là où tu vas vraiment vite et t'as des lumières, des illuminations où t'as vraiment les danseuses du French Cancan qui sont au-dessus de toi et tu passes en dessous. Fou. Et non mais je trouve plutôt réussi. L'attente était longue. Mais bon, voilà l'atelier d'artiste. Bon, voilà, tu l'as vu. Voilà. Hein. Tu viens pas. Mais pour c'est ça. Vrai que le cliché de Paris, de la France, à Europa Park, c'est vraiment le cliché. Hein. Pourtant, ils sont pas loin. Ouais, ils sont pas loin. Ouais. Enfin, de Paris un petit peu, mais de la France. J'ai trouvé que le cliché de l'Alsace était mieux réussi. Bon, c'est peut-être c'est culturel. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a peint ce petit ver de terre? Il a peint Mona Lisa. Mais pas n'importe quelle Mona Lisa. Rien que ça, quoi. Mona Lisa qui a la tête de Stéphane Bross, avec peint en Mona Lisa. C'était assez osé, quoi. Et ça a bien fait rire tout le monde. Oula. Voilà. Il sera pas accroché au Louvre, mais ça peut toujours faire un cadeau sympa. Je pense que peut-être que chez lui, ouais, il a dû le garder. Ah oui, sur la cheminée. Ouais, je pense que c'est un gars qui est un peu. Hein, tu penses qu'il a des peintures de lui? Un peu mégalo, tu vois. Tu penses qu'il a des peintures de lui chez lui? Ça ne m'étonnerait pas. Ou tu crois qu'il l'a fait pour lui et il a dit tiens, et comme c'est sa femme qui fait les marionnettes, elle dit oh, tiens, prête-moi ton tableau là que t'as fait, je vais en faire un sketch pour l'émission. C'est vrai que c'est pas plutôt dans ce sens-là. Ouais, c'est peut-être ça, ils ont peut-être voulu le réutiliser. Bah voilà, attends. Et si en plus, le tableau que je me fais faire, non, tu vois, il se fait faire un tableau pour lui, mais il fait passer ça sous les frais de la boîte en disant non, mais c'était pour un sketch. Bon, après, on peut plus l'utiliser, alors je vais le garder chez moi. Exact. Comme de toute façon, ça me représente, donc autant le garder, quoi. Mm-hmm. Et donc ensuite, Fantasy. Alors, Fantasy, je vais te laisser un peu dire ce que c'est. Alors, Fantasy, c'est de nouveau un duo. Le chanteur est en costard à carreaux. Ça pique. Hein. Ouais. Et son... Il y a des gros carreaux. Ouais. Et son acolyte, c'est un ancien Forban. Je sais pas si vous vous souvenez des Forbans avec leur petite veste, leur petit blazer. C'est vrai. Et ben voilà, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un Forban. Ouais. Il a le même style. La chanson, je l'ai pas aimée, mais je vous disais que il y a quand même un truc. Ils ont un style, tu vois. Bah oui, non, mais il y a un style inimitable de. Ah oui, c'est sûr là. C'est les sûr. Forbans. Les Forbans, c'était les années 90, ouais. Moi, j'ai juste noté, tu as un costume carrelé horrible. C'est vrai que son costume... parce qu'en fait, il y a des carrelés jolis et il y a son costume. Ouais, voilà, c'est assez... Ouais, c'est hard, quoi. C'est ouais. Vraiment des grosses... Ouais. C'est chaud. Et pourtant, ils ont un bon refrain, quoi. Ils ont un bon refrain, mais voilà, ça suit pas derrière au niveau vestimentaire, quoi. Ouais, exact. Bon, voilà. Je vais leur couper la chic. Ouais, coupe-leur la chic. Alors, ensuite, y a ils ont fait un hommage à un chanteur disparu. Alors, le chanteur disparu, je ne sais pas qui c'est. Tu vois, j'ai fait des recherches, j'ai fait le truc, ils mettaient des photos de lui, et à aucun moment, ils ont dit son nom. c'est pour ça que j'ai pas tout compris. J'ai écouté, réécouté, et ils n'ont pas dit son nom. Ouais. Alors, mais il devait pas, être tellement qu'il... connu que la photo de doit voilà, suffire. C'est ce que j'allais dire. Il doit être tellement connu que c'est une évidence. Mais... tellement connu en Allemagne. Mais là, pour moi, c'était pas une évidence du tout. Et... ok, ouais, mais ils font, ils finissent en pleurs, quoi. Ouais, voilà. Et donc chacun, c'était c'était peut-être un mec de leur bande du Immer wieder Sonntag. Bah peut-être. Peut-être un. Et donc Stéphane commence avec son solo, et puis chacun un petit solo. Exactement. Donc moment émotion, on entend la musique. Non, c'est tout à fait traditionnel, quoi. C'est... voilà, on sent qu'il y a eu un décès. Là, c'est Stéphane. Un petit Goldman, tu vois. Voilà, la guitare dans la main. Yeah. Erlischt das große Licht am Meer und man macht den Vorhang zu und die Bühne bleibt für immer leer. Donc l'allemand, ça peut être aussi joli, quoi. Voilà, c'est émouvant. Ça peut être sentimental. Voilà. C'est pas que du aria. c'est pas que du 999. Voilà. Donc ça a multiples facettes. Hein. Moment d'émotion. Oui. Avec la chorale du Immer wieder Sonntag. Ensuite, on a une superstar. Alors là, on a Hansi Hinterseer. Alors, comment dire ? Lui, ça fait un moment qu'il traîne ses basques là-dedans, quoi. Lui, je pense qu'il a toujours fait ça. Il doit avoir. Il doit avoir 55-60 ans, lui. Moi, je me suis noté. Donc, il a la chemise ouverte. Hein. Ça, et c'est. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu veux faire crooner, un peu, tu fais ça. Mais chemise ouverte, bronzée, avec la chaîne en or qui dépasse. Hein. Tout à fait. Et bah, c'est obligé, quoi. Et la coiffure de Brice de Nice. Exact. Exact. Les cheveux longs, bronzés. Voilà. Et moi, j'ai noté aussi, il a quand même un pantalon blanc, avec une ceinture marron. Et, mais son pantalon, tu vois, on le voit bien, son paquet, quoi. C'est pantalon à poutre apparente. Ouais, il est vraiment, vraiment serré, quoi. C'est, tu peux pas le... Ah, c'est... Ouais, OK. Mais alors, est-ce qu'il est serré ou lui a grossi au fil des années ? C'est le même qu'il a depuis le début de carrière. Le profil qu'il a, c'est le niqueur de cougar, quoi. Hein. Et là, à travers le public, là, il va taper de la granit, là. Ah, c'est donc tu le vois, il passe à travers tout le public et tout, et tu as toutes les mamies et tout qui lui tapent sur l'épaule, qui font des bisous et tout. Et alors en fait, ouais. Et après, les mamies, elles se retournent comme ça, elles font. Oui, il m'a touché. Mais et justement, j'ai trouvé ça. Voilà, bon, le mec, voilà, il est ce qu'il est, tu vois. Mais au moins, tu vois, le public, il est content, tu vois. Mais tu crois, tu sais comment il arrive? Parce que du coup, c'est que des cougars qui sont dans le public. Mais les maris de ces cougars, où est-ce qu'ils sont? En fait, ils sont absorbés parce qu'il a des danseuses en mini short blanc. Dans le. Je les avais même pas notés. Sur la scène, si, elles ont des mini shorts blancs et un t-shirt rose large qui un mélange un peu improbable. Je sais pas, ils ont dit bon, on a mis quoi? On a mis les robes, il nous reste quoi? Bah, le mini short blanc et les trucs ça, on n'a pas encore mis dans cette émission. Allez, on y va, on fait le mélange un peu improbable. Et donc, je pense que les maris étaient. Regardait les danseuses sur la scène et lui il peut se taper la femme par derrière. Et j'ai aussi la théorie que les enfants et les ados qui sont là, en fait, ils sont traînés par les grands-parents. Je pense qu'il y a que ça. Tu ne penses pas qu'ils sont là de leur pain la grée? Ouais. Parce qu'il y a. Ouais, non, ils viennent tous en famille, quoi. Alors, on a pris des places. Ah, les enfants, on va aller au repas parc. Ouais, voir Immer wieder Sonntag. Oh. Bon, mais après, on y va. Hein. C'est ça comme ça pour toute la famille. Ça, les enfants, et après, ils savent qu'ils iront faire des manèges. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui seraient arrivés jusque-là et qui ne savent pas que ce qu'est Europa Park est un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions. J'aurais peut-être pu y penser. On aurait pu le dire. Non, mais les gens. Europa Park, attends, c'est quand même. Ils ont été quand même élu meilleur parc du monde. Voilà. Là, depuis la 8e fois. Vous connaissez Disneyland, un parc d'attractions dont la mascotte, c'est une souris. Europa Park, c'est totalement différent. C'est un parc d'attractions dont la mascotte, c'est une souris. Et qui s'appelle Euromouse. Ensuite, qui s'appelait Mousy. Et là, elle a un autre nom. C'est juste un prénom maintenant. Ah, c'est... Ouais, elle s'appelle Donald Duck. Aucun nom. En gros, si vous voulez vous amuser, il faut venir au Europa-Park. Paris, c'est de la merde. Ouais, bah oui. Et en plus, vous éviterez les libérés délivrés et tout ça. Ouais, bah à la limite, ça, c'est... Ah. Bah, moi, ça me dérange pas trop. Tiens, au moins, toi, t'es fan de Anaïs Delvra? Ouais, écoute, ouais, bah, pourquoi pas. Je dirais pas fan, mais les chansons sont pas mauvaises, tu vois. Et je pense que la version karaoké au cinéma, tu vois, je crois que c'était... Tu veux chanter au karaoké? C'était Mister D, je crois qu'il avait organisé ça. Ah oui, et c'était pour des enfants, ça. Non, non. Il y avait l'apéro du Capitaine qui était... Bref. Ça reste des grands enfants. Mais oui, mais je veux dire, c'est quand même je pense que c'est quand même un truc à faire, tu vois. Tu vas avec tes enfants, au moins tu vas chanter, quoi. Oui, que au moins quelqu'un prenne du plaisir dans cette épreuve. Au moins, tu peux boire. Boire des coups, c'est ça. À quel moment tu as l'occasion de chanter comme à tue-tête dans un cinéma, de hurler, Ta cinéma, joie. Peut-être pas. Mais dans la rue, tu peux crier, libérer, délivrer, tu vois. Ouais. Et on te jette un sodo, quoi. Ça c'est parce que tu sais pas chanter. Bon, en tout cas, chez moi, je peux le faire. Et il y a personne qui fait chier. Hein. Parce qu'il n'y a vraiment personne. Sur la piste cyclable, derrière la nuit. Donc si vous entendez, ce n'est pas le loup, c'est Knack qui chante en fait. Exactement. Et à ce moment-là, dans l'émission, on a le retour du savant. Ah, retour de Conrad, exactement. Le scientifique fou. Parce que avant, il nous avait fait la démonstration avec ses tapettes. On voyait, enfin si, il avait montré. Voilà. Il avait montré qu'il y avait des tapettes montré. En plus. Oui, ouais. Il avait montré parce que dans le premier truc, il fait un exemple avec une tapette. Là, il a mis 200 à souris. 200 tapettes à souris avec 200 balles de ping-pong dessus. Il a passé 3 jours à mettre en place l'installation. Et il dit, alors, ils avaient fait un petit concours dans le premier. Est-ce que si je balance une balle de ping-pong, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne va rien se passer? Est-ce qu'il y en a juste une qui va être déclenchée et balancer une balle de ping-pong? Ou est-ce que, donc si je balance une balle de ping-pong, au milieu de tous ces trucs, il va y avoir une réaction en chaîne et tout va exploser de mille feux? Exactement. À savoir que si vous voulez faire cette expérience, vous allez juste dans un magasin de bricolage. Parce que ma maman, elle travaillait chez Bricomarché à Célestat. Ouais. Et donc si vous passez chez Bricomarché, vous pouvez dire bonjour. Donc il y avait un dans le rayon. Tu sais, t'as les tapettes à souris qui étaient en vrac, tu vois, dans une grand caisse, tu vois. Ouais. Et toujours le truc qu'il fallait faire, donc avant de faire quoi que ce soit, c'est tu prenais quelque chose et tu balançais dedans. Ah, parce qu'il y a des gens qui l'armaient, c'est ça. Il y avait toujours quelqu'un qui armait des tapettes à souris. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé encore. Avec un balai, tu vois, tu fous le balai dedans, tu vois, et tu secoues vraiment tout le truc. Quoi. Pour vérifier que si tu mets la main, tu vas pas te... Ah ouais, et systématiquement, ça sautait dans tous les sens. Hein. Et en plus, c'est des petites, mais là au bricot, tu vois, c'était quand même des salles de 8 cm. Ouais, tu vois, trucs c'était pour les rats, quoi. Hein. Ouais, de la bonne, quoi. Et du coup, ouais, tu jettes ça là-dedans. Et une fois, quand il y en avait vraiment plein qui était remonté, quoi. Et le machin, ça saute dans tous les camps, ça. C'est vraiment. Écoute, j'ai pas encore fait. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est au rayon cuisine. Tu sais, t'as les trucs en forme d'œuf, minuterie. Ouais. T'en remontes une au maximum, et comme ça, dans une heure. Ça va sonner à côté de quelqu'un. Genre, t'es un rebelle, quoi. Le mec, oh, j'ai fait sonner un œuf. Non, mais t'en prends pas un, t'en prends plusieurs. Ah oui, d'accord, ok. À des heures différentes, tu vois. Mm-hmm. Mais plus que 5 minutes, parce que dans 5 minutes, tu seras peut-être encore dans le magasin. On est toujours en train de tourner le truc. Et le premier que t'as réglé à 1 heure, il commence à sonner. Non, mais non, moi je faisais ça, mais c'est vrai que les tapettes à souris, bah, j'y penserai la prochaine fois. Non, mais je les aligne. Mais en tout cas, il faut faire gaffe, hein, parce que si tu mets les doigts. Mais alors attention chez vous, si vous voulez une tapette à souris, prenez, faites attention. Est-ce qu'en 2019, est-ce qu'on, à l'aube de 2020, est-ce qu'on achète toujours des tapettes à souris? Ah ben, je pense. Putain, mais avec tous les chats qu'il y a. Mais il y a toujours plus de souris que de. Nous, on a toujours. On a décidé de ne pas reprendre de chats, tu vois. Parce qu'il y a, trop de chats autour du. Dans le voisinage, toutes les maisons ont un chat. Et du coup, tu n'es même plus obligé de le nourrir. C'est pas là, ça? Bah ouais, mais c'est. En fait, les chats, ils sont tout l'embarrés, quoi. Ouais. Et ils sont toujours en train de se taper dessus, tu vois. Ces connards de chats. Ouais, voilà, c'est vraiment des connards. Ils pourraient bosser un petit peu. Des hein. grosses saloperies. Alors, donc, résultat de cette expérience, on va quand même le dire, pour pas que vous ayez à regarder jusqu'à l'épisode, bah, ça explose dans tous les sens. Ça explose dans tous les sens. Comme on pouvait s'en douter. Et il y en a qui explosent pas. Et j'ai trouvé ça. Et en fait, 200, ça fait pas beaucoup, tu vois. Pour une émission de l'envergure de Inner Feeders on Tac. Tu voyais ça à un Domino Day, toi? Putain, j'aurais fait au moins 1000, quoi. Non, sérieux, tu vois. Le triple zéro, tu vois. 1000 Ouais, mais c'était difficile à manipuler après sur scène. Non, mais là, ils ont dit, putain... Ils se débrouillent, attends, ils le bougent pas, hein, ça reste dans un coin. Il y a déjà 3 semaines de boulot là-dessus. Attends, 1000 souris, combien de temps tu mets? Mais parce qu'il faut pas... Faut l'armer, tu armes le truc. D'accord. Tu poses ta balle délicatement sur le truc pour pas que ça déclenche. Et ensuite, faut que tu... La pose les autres à côté sans faire des. C'est quand même un peu. Je pense que c'est un peu de boulot quand même. Ouais, c'est un peu de boulot. Bon, ils ont des stagiaires pour ça. Mais... Ouais, non, c'est poser la balle de ping-pong, c'est ça qui veut. Ouais. Ah, mais c'est ça le. Parce qu'ils avaient des parois un peu autour, justement, je pense, contre le vent. Parce qu'ils ont dû. Ah, ils ont fait une première version. En fait, ils ont fait une première version. Où en fait, là, ils ont dit, oh, on en a 1000. Et là, putain. Là, le stagiaire, il arrête pas de faire des conneries. Là. Il les fait tomber tout le temps. Ah, c'était donc contre le vent. Ouais, donc, mais donc, un beau. Belle mise en scène, quand même, pour tout ça. Mm-hmm. Pour pas grand chose. Mais... Ouais, pour un résultat, quand même, je veux dire, il n'y avait pas de bilan à la fin, une petite synthèse, non, même pas. Quoi, c'était juste. Voilà. Il n'y avait pas d'explication physique de pourquoi. Ouais. De ils n'ont même pas regardé s'il y avait une balle de ping-pong qui était écrasée. C'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, tu vois. Ouais, parce mais voilà, déjà, donc, paf, ça si explose. Déjà, tu te fais chier à remonter tous tes trucs, là. C'est vrai. Ok. Ensuite, on a... un chanteur italien. Giovanni Zarella. Alors, Giovanni Zarella, Mozzarella. Je pense, oui, il a dû faire des pâtes. Cette chanson, tu peux placer des mots de pâtes, de marques de pâtes, Barilla et tout, et Quattro Stagioni. Pizza Mista. Et donc, particularité, c'est qu'il chante en allemand avec et que Stéphane chante en duo avec lui. Ouais. Il vient ensuite. Parce qu'en fait, il était déjà venu au mois de mai. Et en fait, au mois de mai, quand il est arrivé, le public l'a vraiment acclamé. Genre, c'était la première mondiale, comme quoi il chantait en Allemagne. Ah. Il présentait ça vraiment un truc, une grande première. Et c'est assez, je sais pas, ils se sont un peu enflammés sur un truc. Non, mais je pense qu'ils ont un gros kink avec les chanteurs italiens. Ah, ok. Parce que les spectatrices derrière, elles criaient, elles faisaient... Ouais, mais ça, c'est juste pour être à la télé, pour passer. Mais ouais, chanteur italien. On se demande ce qu'il fait là dans du schlager. C'est comme le français. Non, hein. Non. Moi, un petit Eros Ramazzotti, tu vois. Ouais, mais c'est je trouve que c'est pas l'ambiance pour ça. Mais ils ont toujours été présents, tu vois. les chanteurs italiens. Oh, l'Italie, l'Allemagne, ils ont toujours été un petit peu. Non, mais il y a un truc, tu vois. Ils ont eu le charme de la côte italienne, tu vois, de partir en vacances et de. Parce que bon, tu vas partir en vacances sur la côte nord allemande, ouais. Je peux dire que c'est pas la même ambiance, quoi. Je dirais, tu trouves de la bière, ok, mais niveau plage... Toi, tu préfères les plages et le vin italien, c'est ça? Non, mais je pense que ouais, ça leur rappelle les vacances, tu vois. C'est vraiment le petit Italien qui avait moyen de pécho dans le village, tu vois. Ah, l'amour de vacances. Exact. Ah oui, ça, vous savez, ça passe toujours, ça. Ouais. Il a un petit air de Kev Adams, gros. Avec la coupe de cheveux noire, tu vois. Enfin, noire et la barbe noire, tu vois. Avec donc la coupe de cheveux avec du gel, tu vois. Et il a de la boucle d'oreille en argent. Bah, du chanteur italien. Ouais, voilà, bah oui. Mais il y a un petit. Voilà, moi j'ai une petite ressemblance, tu vois. Avec Kev Adams. Petite ressemblance avec Kev Adams. Mais gros. Ensuite. Ce que je voulais dire aussi est que pour ambiancer le public, parfois. Stéphane, il fait des choses, il pique des trucs au chanteur et il voit un petit gimmick à droite à gauche et il en a chopé une et je vais juste la passer. Tzike-tzake, tzike-tzake. Le tzike-tzake, tzike-tzake, hi hi hi. Ouais, mais ça marche toujours. Et ça passe, mais crème quoi. Nickel. Le machin, c'est impeccable, tu sais. Le mec, il sait pas quoi faire, tu vois. Il a un trou, il fait hey, tchiketaka, tchiketaka, hey, hey, hey. Bah, ça fait une passe, quoi. Ça fait une habile transition entre une fin de chanson et on attaque autre chose, tu vois. Ouais. Et donc, là, on arrive sur le retour de la maman qu'on avait vu au début. C'est la même. Exactement. Exactement. Je l'ai pas reconnu. Bah ouais, justement, parce qu'en fait, ils lui ont offert un relooking. Ouais, et bah, ça, en fait, franchement, j'ai trouvé ça bâtard. Genre ils ont fait ils ont montré la photo, ils l'ont imprimée, ouais. La photo taille 1, tu vois, échelle humaine, 1. Voilà. Ouais. Et d'où pourquoi elle a fait la photo avant pour faire le comparatif avec Stéphane. Et j'ai trouvé ça un peu c'est pas cool quoi. Non, attends, mais d'autant plus que leur relooking c'est quoi? Ils lui ont mis une robe quoi. Ils lui ont mis une robe, ils l'ont coiffé un petit peu. Ouais, ils ont fait un petit peu de coiffure. C'est relooking extrême. J'espère qu'elle avait vu sur le spectacle, hein, parce que là, c'est quand même de l'arnaque. Ah bah ouais, c'est vrai, tu payes ta place. Tu payes ta place et tu même peux regarder le spectacle. Et tu mates rien. Et après, on est juste là pour te mater. Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu limite, cette idée de relooking. Ah, c'est un peu le style reine-mère. Ouais, hein. Oui, voilà, une robe. Avec une tunique rouge. Ouais, il lui manquait le chapeau. Exact. Mais c'est ambiance reine-mère, quoi. Et alors, arrivé donc sur le plateau, sur Pretty Woman, quand même. Exact. Ça fait donc, ils ont fait descendre les escaliers. En plus, le côté des escaliers, donc c'était des escaliers un peu. C'est pas droit, c'est arrondi. Donc, ils l'ont fait descendre avec des talons sur le côté le plus fin des escaliers. J'ai trouvé ça un peu bâtard. Là où il n'y a pas de main courante où se tenir. Mais ouais. Et moi, je me dis, putain, mais c'est pour l'accident. Mais l'accident, ça paye aussi. Hein. Ça marche aussi, l'accident. Ah ouais, aussi, tu peux passer pendant des années dans les zappings. bon, après, ça coûte cher en procès. Maintenant, tu vois, sur Internet, tu vois, une glissade, tu vois, ça passe vite. Tu vois. Avec la masque, il y a. C'est pas comme quand on était petit, tu vois, où tu avais les vieilles. Les vieux zappings. Qui tournaient les vieux en boucle. Gags qui tournaient tout le temps en boucle, avec la gonzesse qui tombe dans les rochers. Ouais, mais quand même, là, c'est quand même. Ça passe quand même sur la chaîne allemande ARD aussi, la chaîne de télé. Suffit que là, du coup, tu es dans leurs archives. Là, c'est bon, à la fin de l'année, le mec qui fait le best-of, bah, t'es dedans. Bon, hein. T'es passé. Hein. T'es dedans. Ouais. Alors, ensuite, on a Semino Rossi. Alors, Semino Rossi. Oula, oula. Comment dire? C'est quand même un peu chaud de s'appeler Semino Rossi. Hein. Parce que ouais, ça fait un peu flux de Semino. Quoi. Tino Rossi moi, en même temps. Mais j'ai jamais compris. Et le mec, il a soi-disant un charme. Les femmes, elles kiffent à mort. Quoi. Donc, il y a la. Donc, quand je dis, bah, c'est par expérience, parce que... Madame Knack... La maman de Madame Knack, elle a une collègue qui travaille avec elle à l'hôpital, et elle est fan de Semino Rossi, quoi. Elle le trouve trop beau et tout, alors que Semino, voilà, quoi, il est pas ouf, quoi. Il est vraiment, ouais, quelconque, quoi. Bon, après, il chante, mais voilà. Alors, là, si vous tapez sur Google... Il y a une première photo, il a un petit air de Nicolas Sarkozy sur la première photo. Et justement, il a cette espèce de... Donc, il a des cheveux moutons crépus. Enfin, ouais. Tu vois, ils sont pas très... Ils sont, ouais. T'as pas l'impression... Tu veux pas les toucher. voilà, oui, parce en fait, tu ne peux pas les toucher. Il y a plus de gel que de cheveux dans exact. Le... Exact. Et c'est toujours en forme de triangle. Ouais, devant. Et donc, il a une espèce de... De V devant. De, comme M. D'angle un peu. Ouais, un peu comme M, exactement. Mais arrondi, en fait, plat. Ce n'est pas les M vers le haut. Ouais, c'est vraiment oui, il a plat, juste arrondi. Il a juste le bec de corbeau sur le, c'est sur M le front. C'est M bordé, quoi. Ouais. Et donc, il nous chante « Hola, hola ». Hola, hola. Donc lui, c'est un vieux de la vieille aussi, là. Mandoline, là. Ah, oui. Faut penser à l'Italie. Ah, le croc de ribas. C'est minor aussi. Dein Schuss blick traf direkt in mein Herz. Es war geschehen, die Welt begann sich zu drehen. Ich muss dich, quoi. Ich muss dich. Exactement. Hola, hola. Donc, c'était la chanson Hola, hola. Voilà. Qui... Et donc, on finit donc la première émission Best Of avec Semino Rossi. Voilà. Et alors, on vous avait laissé sur un suspense. Exact. En fin de... Quand on avait parlé de l'émission du mois de mai, où il y avait un duel... Un combat. Entre Mein Kampf, Jan Schrödel comme on dit, et Matthias Eicke. Voilà. Et donc là, c'est donc on apprend qui a gagné. Exactement. Attention, et roulement donc, de tambour. C'est Jan Schrödel. Ah, ils ont choisi dans le donc, traditionnel. En fait, ouais. Donc il a fait toute la saison où il est venu et il a gagné tous ses matchs jusqu'à la fin septembre. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt honorable. Belle performance. Alors c'est pas le mec qui est arrivé à la dernière représentation qui a remporté le truc, tu vois. Et donc, mais s'il perd un truc, s'il les a tous gagnés, qu'il perd le dernier, c'est pas lui le champion. Il n'y a pas un Gola Vera Edge des victoires. Non, c'est celui-là qui est à la fin de la saison. C'est celui qui a. Donc faut challenger en fin de saison. Et ils ont un petit titre, c'est le Kaiser du Summer Heat. Ah. Kaiser Summer Heat, je crois. Ils ont mis une petite écharpe. Ouais. Donc le roi de la, du hit du tube télé, d'été. Quoi. Ouais. Tu pourrais nous le repasser peut-être un petit coup. Exactement. Jan Schrödel. Jan Schrödel. Qu'on se remette bien dans l'ambiance de c'est lui qui a gagné là. Donc il était à la plage. C'est le petit écho. Ouais, il y a un petit écho. Il y a un petit retour. Bon, il est pas cool. Quand tu l'écoutes comme ça, tu essayes de la décrypter, tu vois, ça va, tu vas pas te réveiller après. Mais c'est entraînant, c'est du bon. Parce que tu vois, par exemple, les chansons des Beatles, tu vois, moi j'entends que le bassiste. Et il fait juste poum, poum, poum. Et je trouve ça d'un chiant, alors que non, tu vois, là, celui-là, il passe bien, tu vois. Ouais, non, il est. Ça marche bien. Et alors, dans cette émission du mois de mai, moi j'ai découvert un peu d'autres chanteurs et chanteuses qui étaient plutôt bons. Et moi je trouve que c'était un peu. Voilà, moi je me trouve un peu. Pour le best-of. Tu te trouves floué dans le best-of. Ouais, je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale de Immer Wiedersonntag. Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui auraient dû passer dans le best-of. Écoute, je vais tout de suite écrire un email. Attends, je fais stefan.moros@immerwiedersonntag. Et ouais, il est dans sa tournée d'hiver en plus là. Alors, donc, la première que je vais vous présenter, c'est Charlene. Donc, c'est assez... Franchement, elle fout tout le monde. Elle fout tout le monde. Elle est trop forte. Alors, on est plutôt sur de la pop internationale. Et franchement, elle les met tous au placard. Quoi. Niveau vocal... Playback, juste le talent, quoi, tout simplement. Quoi. Elle était vraiment. Ouais, c'est vrai que. Donc, ça, là, c'est l'intro. Là. C'est une intro où ils l'ont fait balader un peu dans le parc. Et après, elle se retrouve au milieu de la. Oh, la scène. Comme par enchantement, voilà. Pour le refrain, quoi. Pour le refrain, exactement. Ah oui. Il y a du moyen, il y a du moyen derrière en musique. Hein. Ouais, il y a de la pop quoi. Hein, non mais franchement, tu vois, je trouve ça dommage, tu vois. Et à la fin, il la coupe et ils lui disent même pas au revoir, tu même pas un bisou, rien. Et j'ai trouvé ça dommage, tu vois, parce que c'est vraiment se priver de tout simplement d'un talent quoi. Ouais. Donc ça c'était Charline. Charline. Voilà. Ensuite, il y avait un quatuor. Un quatuor à cordes autrichien. Autrichien. Alors, donc là, il y a ces deux mecs et deux filles. La parité respectée, ça va. Exactement. Le chanteur, il ressemble un peu à Jeremy Renner, celui qui joue l'archer dans Avengers. Mais il a trop mangé. Encore. Et on n'avait dit pas de grossophobie. Hein. Non, c'est juste là, ça, c'est juste pour vous représenter. C'est... Ouais. Donc là, on a tout ce qui est... Oula. Attention, bon, Knack va éternuer. On ne sait pas, ça va, c'est reparti. Alors, il y a le chanteur. Il ressemble donc à Jeremy Renner. Il chante. Il est aussi un peu à l'accordéon, mais là, pour l'occasion, il n'a pas l'accordéon. Ah. Mais c'est sa collègue qui joue de l'accordéon. Donc, il y a une autre fille qui est la blonde à l'accordéon, la brune à la guitare acoustique et un autre mec au tuba. Ouais. Et tous, ils sont en habits donc traditionnels. Avec le petit short en cuir. Le petit short en cuir. Et pour les filles, elles ont le pom-pom short, quoi. Elles ont donc pom-pom short et donc le petit mini short et décolleté. Et c'est pas très traditionnel. Et elles ont pas trop mangé. On est. Bonjour. Non mais depuis le début, on dit la grossophobie. Non mais là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord ça parce prouve que là, que, on peut être gros et se taper des bonasses quoi. Et ils en jouent dans les clips parce que je pense qu'elles valident les clips quand même. Mais clairement, il y a du zoom assez appuyé. C'est ça qui fait vendre. Hein. Et par contre, le truc qui m'a vraiment plu, c'est que c'est festif et énergique. Alors, mets-nous un petit extrait. Au chant, donc c'est David Traumuller à la guitare, la brune, c'est Anya Sorger. À l'accordéon, c'est Claudia Witkowski. Et au tuba, ou trombone, je ne sais pas exactement ce que c'est Wolfgang Schrader. Et donc, eux, ils jouent avantagement avec leur physique. Quoi. Alors, eux, ils s'appellent les Granaten. Oh. Ah, ça, on fait du steak. Donc là, c'est Jeremy Renner. On reconnaît bien sa voix, son timbre de voix. On entend, c'est du tuba, c'est du tuba. Vu le son, c'est du tuba. Et là, ça part sur le refrain. Ah, c'est du schlager rapide. Ouais, non, mais c'est plutôt. Ouais, voilà, ouais, c'est ça... revisité, tu vois. Ouais, c'est vraiment c'est du schlager pour jeunes, tu vois. C'est du schlager cover punk. Non, c'est pas coupon, quoi. Ah, mais ouais, c'est un peu plus. Et ouais. C'est eux qui font le ticket-sack. Ah. Et là, quand elle fait le solo à l'accordéon, elle est face à la caméra. Et elle fait genre des sourires, un sourire mais de ouf, tu vois. Et un sourire regarde, qui t'invite, sac, quoi. Attends, ils vont refaire le ticket sac après. Ah, elle se donne sur l'accordéon. Hein. Ah ouais. Et pour le coup, eux, je pense pas qu'ils fassent du playback. Parce que l'accordéon en playback, ouais. Ouais. Et tu bailles souffle. Hein. Ben alors le prochain, est-ce qu'on fait le prochain Knackfest après celui de l'an prochain à Immerwieder Sonntag? Ça serait une petite sortie Knack. Ce serait l'apothéose. Quoi. Alors, je vais écrire un mail à Stéphane qui le nous refrain invite. Est chouette. Ouais. Ouais, c'est entraînant. C'est à la limite avec ouais, ça a aussi inspiré des. C'est pas une fête de la bière, c'est une fête de la cocaïne. Non. Hey, hey, hey. Ouais, t'as envie de le chanter, tu vois. Là, on est à fond, ouais. Ouais, c'est voilà. Péchu. Les Granaten. Les Granaten. Nouvelle sonnerie de portable. Voilà, moi j'aime beaucoup les Granaten. Je vous le conseille. Ensuite, il y a les Pavailleurs. Alors, les Pavailleurs, je les lance tout de suite. Les Pavailleurs ah, ouais, il annonce tout de suite. Alors, le titre, c'est ni videur à alcool. Donc, ne bois plus d'alcool. Ouais. Ne bois plus jamais d'alcool. Bah, sa voix nous dit qu'il en a déjà bu beaucoup. C'est un peu. Je trouve que c'est un peu comme les Fatal Picard. Avec l'accordéon, les guitares, la batterie. Ouais. Bon, on ne comprend pas les paroles engagées, mais. Ah, mais on se doute du contenu. Ouais, ça reste un peu du hey. Exactement. Hey, tic-tac et tout ça. Tic-tac et tic-tac. Hey, hey, hey. Pas mal, hein. Merci. Je veux ce jingle, hein, tu me le laisses. Ouais, tu me le laisseras. Pas de soucis. Ensuite, il y avait les Dorfrockers. Alors, les Dorfrockers, c'est les rockers du village. Alors, eux, c'est un mélange de Schlager et un peu de rythme de musique de carnaval. Carnaval allemand. Donc merci de préciser. Accordéon, trompette, guitare et chant pour le public, c'est du la la la quoi. Ah, c'est les meilleurs fameux dans Franca. Ah, et l'accordéon, on l'entend. Oui, on l'entend bien. Ah, ça, c'est le Schlager qu'on aime, ça. Voilà. Là, c'est un truc, t'as ton verre de bière, t'es en train de chanter, tu vois. Tu t'en fous, tu passes un super bon moment, tu vois. Enfin, t'en as rien à foutre que la personne à côté de toi soit blanc, noir, beige. Qu'elle t'ait vomi sur les baskets il y a 5 minutes. Exact, non, mais c'est là que tu. Ouais, c'est l'ambiance. Tu fais fusion, exactement. Avec les rythmes de. Avec la petite reprise de Kleinwaldmarie, là. C'est boom jack, quoi. Ouais, c'est le boom jack. Et avec un petit refrain avec un truc en plus. Ouais, non, mais ça, c'est plutôt pas. Avec un demi-pied en plus. Non, qui aide. Les Dorfrockers. Et alors, j'avais encore quelques petits derniers pour la route, ouais. C'est ça? Alors, il y avait quelques hymnes quand même. Les Kastelruther Spatzen avec le Gloria à la montagne. Ah, le c'est fameux. Quand même quelque chose. Si ça, c'est un truc à mettre dans tous les autoradios. Vous avez. Donc ça, au début c'est assez calme et après en fait c'est vraiment un refrain où tout le monde va chanter quoi et c'est vraiment tout le monde se lâche quoi. Mais ouais c'est on sent la montagne là dans l'écho. Vraiment, et là justement c'est le clip carte postale. Ouais, là on est sur les montagnes. Là on sent on sent l'Edelweiss. Et là le refrain il arrive là. Gloria. Gloria à la montagne. Gloria, Gloria à la montagne. Ah, Gloria à la montagne. Ah, pour moi, tu vois, c'est Gloria à la montagne, c'est un truc particulier, quoi. Ça, c'est ça ça te fait revenir des souvenirs, ça. Ouais. Et sinon, en hymne. Qui est vraiment là, je sais même pas si c'est vraiment quel chanteur l'a chanté le premier, mais j'ai Aino Sierra Madre. Ah, le fameux Aino. Alors Aino, c'est Allemagne du Nord, je crois, et il a une voix vraiment particulière. Il roule l'air. De temps à se mettre en place, mais ça vient quoi. Ouais, mais ces intros sont longues, c'est comme Pink Floyd, c'est avant un beau morceau, tu vois, t'as toujours une longue intro. C'est clair. La flûte de plan. très bien. Là, ça a roulé, là. Ah oui. Ouais. Un peu trop, pour la peine. Là, il joue un peu du personnage, quand même. Exact. Mais après... Mais je le vois un peu, tu vois, physiquement, un peu comme Karl Lagerfeld, tu vois. Avec les cheveux blancs, avec les lunettes de soleil. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Je sais plus exactement à quoi il ressemble, tu vois, mais... Si, il ressemble un peu à ça. Et... Et le refrain. Alors là, vous avez ça, tout le monde le chante. Quoi. Voilà, tout le monde, tout le monde connaît cette chanson. Et oui, c'est vraiment, ça, c'est vraiment Karl Lagerfeld qui chanterait du Schlager. Ah, ça, c'est si vous avez hop, un, vous reprenez, vous prenez à gauche, à droite, sous le bras et de gauche à droite sur le banc. Et c'est parti. Mais après, ça a été repris par plein de personnes et je sais pas exactement si c'est I Know le premier, mais en tout cas, c'est la chanson là, c'est un truc de ouf. Quoi. C'est peut-être pas l'œuvre initiale, mais c'est peut-être l'œuvre paradigmatique, on peut dire. C'est ça. Pour les gens qui s'intéressent ensuite, à l'art. Alors, juste des groupes qui étaient pas mal, qui étaient présents cette année à Immer Wieder Sonntag. Il y avait les Ziller Thaler, Aderlumpen, qui étaient plutôt corrects, assez traditionnels, je crois. Voilà. En refrain Nord-Pas-de-Calais, que tout le monde peut chanter. Voilà, c'est un peu l'esprit du truc, quoi. Ouais, c'est l'esprit fête de la bière, hein, on le voit tous. Hein. Il y a un groupe qui m'a vraiment... j'ai vu ça, j'ai fait putain la vache, mais ça, c'est un truc de malade. Alors, c'est Die Feldberger. Alors, c'est des mecs, ils sont en train de jouer dans le pré, devant le rucher, dans un vieux rucher. Donc, c'est une petite maison en bois. Mais il n'y a plus d'abeilles, rassure-moi, ils ne sont pas en danger. Non, mais c'est vrai qu'ils sont juste devant. Et le rucher, il est magnifique, il est patiné par le temps et tout. Et ils sont dans les hautes herbes et ils sont en train de jouer. Mais ils sont, comment dire, il y a un batteur, mais ils sont mécaniques, un truc de... Ça m'impressionne. C'est un batteur de boîte à rythme. Ah ouais, il est carré et rapide. Hein. Ah, c'est assez... Donc ça reste un peu de menu traditionnel des montagnes, quoi. Et très rapide. Et j'ai une question. Dans les musiques comme ça, t'as toujours un moment où, tu vois, la chanson, elle monte, tu vois. Et au bout d'un moment, ils sont tout en haut et ils reprennent d'avant, peut-être pour essayer de maintenir le plus longtemps possible. Ouais. Est-ce qu'il y a un nom à ça? C'est genre, la chanson, elle s'en finit plus, tu vois. Elle est sur le climax, mais elle n'en finit plus, tu vois. C'est presque... C'est le... Ça redescend pas. C'est le couplet final. Trop, je sais pas. Ou sur l'album, ils avaient des je sais pas, des time codes à respecter, tu vois. Des formats à respecter absolument. Ils ne pouvaient pas l'arrêter avant. On repart un coup. Non, ouais, mais c'est les gens sont lancés. Tu vois, les gens sont lancés, le public est à fond. Pourquoi le priver d'un couplet supplémentaire? Ouais. Alors, juste pour revenir sur Sierra Madre, ça a été composé en 1970 par Wolfgang Roloff. Mais je pense comme le veau. Ouais, mais c'est pas un veau, non. Non, le veau Orloff. Oui, mais c'est pas un veau qui chantait. Et donc, qui a été repris plein de fois par plein de gens, quoi. Alors, il y a, dans toutes celles qui étaient là aussi, il y a... Même les Castelrouter, ouais, je sais pas de celles, ils l'ont aussi repris. Hein, ouais. En 92. Ouais. Et parmi toutes les filles, il y avait Manuela Fellner. Alors Manuela Fellner, j'ai lancé un clip c'était de 2009 où là elle chante dans une fête de la bière. Ouais. Et je vous laisse écouter. Ah, on entend déjà la fête de la bière. Ah, ça, c'est pas du playback. Non, là... Je sens la bière d'ici. C'est un truc. C'est vrai. La bière est Alors pour tous ceux qui disent que les fêtes de la bière, c'est juste des mecs qui veulent boire la bière à se saouler. Non, non, c'est une ambiance, c'est ça, c'est une communion. Écoutez ça. Ben, je pense même que c'est peut-être un medley. Ah. Parce que là, ça a changé, tu vois. Je pense que c'est peut-être un medley. Parce que les Allemands aiment beaucoup faire un medley. Genre, l'artiste, il vient, il en a pas pour longtemps, alors il a pas le temps de faire une seule chanson, alors il en colle quatre. Mais oui, on n'a plus le temps de faire des chansons de 3 minutes de nos jours. Maintenant, on fait hop, un concert en 10 minutes, c'est bon. Exact. Et sinon, en fille, il y avait Melissa Naren. Alors, Narschenweg. Narschenweg. C'est déjà moi, j'ai du mal. Hein. Alors que je suis du cru. Hein. Melissa, elle joue de l'accordéon. Et c'est aussi. Mais un accordéon, elle le joue à sa façon, quoi. À sa façon. Il faut l'imaginer sur une scène, dans un festival à la neige. Pour la fête après ski. Exact. Là, c'est une fête où il y a 10 000 personnes. Quoi. C'est une grosse station de ski. Une grosse teuf. Ça monte, il y a un refrain qui arrive. Allons, on le sent venir. Ah, tu l'avais pas vu venir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je le pensais un peu plus explosif. Mais c'est mais c'est ce qu'il y a de bien avec le Schlager, c'est que tu vois le refrain venir, tu te dis là c'est le moment, on va taper dans les mains, tu sens que ça monte, tu sens que ça vient. C'est comme les groupes d'électro qui jouent sur les festivals où vraiment t'as les moments où ils envoient quoi. J'avais été voir BitTorrent. Et en fait, tu l'avais téléchargé illégalement. Ouais. Et BitTorrent, en fait, ils ont fait un album où ils ont fait des reprises, quoi. Et ils reprenaient Dick Rivière. Dick Rivière, c'est BitTorrent. Et ils ont une version de Thunder Truck de AC/DC, mais c'est un truc de malade, quoi. Et moi, c'est vraiment un truc que tu ressens, tu ressens la musique à ce moment-là. Et ça te fait passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est... Voilà, donc ça, c'était Melissa Narschenweg. Oh, putain, vache. Et il y avait aussi Robin Leone. Je suis là, fallait qu'on en parle. Robin Leone. Il était avec Batman Leone. Exact. Robin Leone, il a gagné. Il était le Kaiser. Ah, de Immer Wiedersontag depuis en 2006-2009. Et depuis, en fait, c'est un Alsacien qui fait carrière en Allemagne. Ah, c'est frontalier qui travaille de l'autre côté. Exactement. En fait, en France, il est absolument pas connu. Oh ben non, il y a personne, même en Alsace, il y a peu de personnes qui le connaissent. Et il vient de, je sais plus d'où, du nord de l'Alsace. Et en fait, il a cartonné dans le Immer Wiedersontag. Et il fait partie de toutes les tournées Immer Wiedersontag, il est là. On vous dit d'apprendre un peu les langues allemandes, ben voilà. Exactement. Et en plus, il fait exprès de parler allemand avec l'accent français. Et il se force parce qu'il a l'accent alsacien. Ça sort à mort, quoi. Mais il fait exprès de faire sortir l'accent français quand il chante parce que les femmes allemandes aiment bien. L'accent français, c'est comme quand on parle en anglais l'accent français en anglais. Et donc il a gagné. Il a gagné le titre du Kaiser. Donc c'est pas ridicule, hein. Il fait quand même une belle carrière là depuis. Non mais les Alsaciens en force. Hein. On va devenir champion du monde bientôt. Ouais. Sinon les Allemands ils sont aussi forts en comment dire juste à Carnaval, ils ont des compagnies où ils font juste des instrus, tu vois. Ouais. Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, des fanfares, voilà. Ouais, ils sont forts en fanfare. Des... Ah, et cette année, ils en avaient une. C'est Party Plane, Party Planet. Eux, ils peuvent te placer ça dans la rue tranquille, quoi. Ouais, c'est un peu de la kouka musique, comme on dit voilà. dans le carnaval de Bâle. Exact, la kouka musique. Ouais, on sent la fanfare. Ouais, mais c'est la fanfare qui fait plaisir, tu vois, parce que si par exemple, ce week-end, il y a la Saint-Nicolas à Épinal, il y a le défilé de la Saint-Nicolas, et il y a des fanfares qui sont là. Mais c'est des fanfares françaises, et c'est très militaire. Ouais. C'est des rythmes militaires, ils font de la marche et basta, tu vois, c'est pas... Alors que là, c'est plus festif quand même. Voilà, c'est plus... Ils ont un truc. Mais il y a un peu... Je crois qu'il y a un peu d'impro des fois aussi, non, dans les trucs, je sais plus. Ah bah là, ils sont quand même beaucoup, je sais pas. Bon, ils sont pros, hein. Mais ouais. dans les plus petits troupes de kouka musique, il y a des... Tu sens qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais il y a une ambiance, quoi. Donc là, c'était Party Planet. Et voilà, j'en ai encore un. Un petit dernier pour, exactement. Pour finir. Parce qu'il fallait faire une petite fête au Mexique. Ah, tu nous parlais des trompettes avant. Il n'y a pas de petite soirée sans fiesta a Mexicana. Fiesta Mexicana. De Ross Anthony. Ah, ça toque. Fiesta Mexicana. Moi, tu sais pourquoi t'es venu, quoi. Bah, là, on est quand même dans le schlager lourd, avec qui tape bien, quoi. C'est... Ah là, il y a de la punchak du sévère, quoi. Là, ça tape fort. Et les trompettes qui font Mexico. Ah, exactement. Pour moi, ça, tu vois, c'est propre. Ouais. Voilà. Tu sais pourquoi t'es là, quoi. Si tu rentres dans une pièce et t'as cette chanson, bah voilà, t'es obligé de t'ambiancer, quoi. Bah oui. Et alors, moi, je peux te proposer. Alors, si je peux t'emprunter le. Bah ouais, attends. Moi, j'ai fini, là, de toute façon. Voilà. Alors, comme on est en période de Noël, alors, moi, je vais vous proposer une petite chanson de Gunther. Ticket sack, ticket sack, hi, hi, hi! Voilà. Gunther, donc, un Allemand qui nous fait une chanson de Noël, le The Christmas Song. C'est Gunther. Mais là, on est proche. On se rapproche d'une autre niche. C'est les chansons de Noël. la chanson de Noël. Mais musicalement, c'est pas loin aussi de la musique partie de Majorque. Un autre épisode en préparation. Ouais, je pense que c'est un épisode. Ding dong. It's a Christmas song. Voilà, c'était pour finir un peu sur une ambiance de Noël, parce que comme on est un peu dans une ambiance de Noël, voilà, d'avant. On se prépare, on a sorti les premiers, on a sorti le sapin. On a sorti nos boules. Exactement. Voilà, donc on arrive en fin de cette émission sur cette émission dédiée au Schlager. Au Schlager et à Immer Wiedersonntag. Et je pense qu'on a fait une bonne petite compilation finalement. Voilà, un bon tour d'horizon du Schlager. Parce que c'est quand même quelque chose qui est pas connu dans la francophonie. Voilà, c'est trop peu connu en France de l'intérieur. Voilà, de toute façon, passer les Vosges, il n'y a plus rien. Quoi. Non, je pense qu'au niveau de la Moselle, il doit encore y avoir un peu de culture, parce que c'est pas... Voilà, parce que les antennes allemandes émettaient fort dans les années 80. Exact. Et qu'il n'y a pas de montagne, surtout. Mais ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, donc il y a une boutique officielle du Schlager où tu peux acheter des t-shirts et tout. Ouh. Bon, c'est c'est schlagerladen.de. Mais bon, après, tu sais, c'est chaque artiste a sa propre boutique, son petit merchandising, tu vois. Mmh. Ouais, donc il y a du merchandising de carrément, Schlager. Carrément. Et dont un t-shirt avec un bon truc Schlager, là je l'ai déjà bien vu. T'as déjà fait ta liste au Père Noël? Non, mais c'est... Ouais, mais après, est-ce que je l'assumerai? Je sais pas. Au Knackfest. On attend de voir ça au Knackfest. Hein. Voilà. Donc, écoute, on va clôturer là. C'est pas mal. Donc, tous les liens pratiques, de toute façon, vous nous suivez. Hein. Je pense que les derniers qui restent, là, c'est le noyau dur. merci d'être resté jusqu'au bout. Bah oui, parce que voilà, c'était peut-être pas gagné depuis le début. Hein. Si vous n'êtes pas frontalier, ça peut paraître compliqué. Oh là là, les Allemands, ils parlent dur. Ben non, on voit que non, il y a de l'émotion, il y a de tout dans... Exactement. Alors, si l'épisode vous a plu, faites-en profiter votre entourage. Hein. Quand vous allez déposer vos enfants à l'école, vous verrouillez les portes et vous mettez le Schlager. Le bouche à oreille est tout simplement le meilleur moyen de propager le bon Schlager. Voilà. Exactement. Donc, Dédé Schütz, je te remercie énormément pour ta participation à cet épisode. Bah, je te remercie de l'invitation dans ton podcast. Bah, carrément. En plus, moi, ça me faisait vraiment plaisir de faire ce sujet. Parce que ça fait un moment que je veux le faire et que je ne trouvais pas... le bon timing là et il fallait le faire là. C'est un peu le cadeau de Noël de Knack en Vrac. Exact. Pour il tous fallait tes auditeurs. Que ça sorte et voilà, histoire de marquer un peu. Voilà, j'ai fait un épisode sur les champs de culture, tu vois, les cercles de culture. Mmh. Et ben là, tu vois, je pouvais pas rester juste sur un épisode dans l'année, tu vois. Faut quand même que j'en fasse d'autres. Faut un peu sortir les doigts, monsieur Knack. Mais on fera un épisode sur Horst Tappert et toute sa carrière de Derrick. Horst Tappert, ouais. En effet, il y a aussi du boulot. C'est lui qui jouait Inspecteur Derrick. Et n'hésitez pas surtout à aller écouter Capteur d'écran. Parce que ils n'ont pas beaucoup d'auditeurs, mais ils sont sympas. Ou sinon, il y a Tu veux une médaille sur Ocha aussi, exact. Si vous voulez écouter mes conneries. Bientôt donc, un épisode là, sur mon vélo. D'accord. Et là, donc Tu veux une médaille, c'est plus un podcast, comment dire C'est conceptuel. Ouais, c'est conceptuel à chaque fois. Voilà. Donc t'as été lire la. Faut comment en dire. Non, c'est même pas lire. Non, c'est interpréter la page Wikipédia de la course à pied en courant. Ouais. Donc c'est magnifique. Voilà. Dans la pièce juste à côté de nous. Voilà. Donc moi, j'incite ce genre de. D'expérience. Ben merci. Ben ouais, bon, on peut me suivre aussi sur Dédé Schütz un peu partout sur internet. Et sur Proxy Jeux aussi. Et sur Proxy Jeux, tous les mois dans les chroniques. Vous pourrez écouter ça. Ou si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, on a fait un épisode de Noël où je me suis un peu lâché en musique de Noël. Donc, c'est pratique. Du coup, là, il faut que je me dépêche pour tout retraiter. Pour remettre en ligne ça. Ouais. Bon, je pense que ça devrait aller. Ouais, sinon, le Noël prochain, il restera toujours des jeux, hein, de société. Exact, il en restera. Noël, c'est intemporel, ça revient tous les ans. La nature est cyclique, ça tourne. Ok, bah, écoutez, moi je dirais juste un petit exact. Un petit... Un petit ticket de sac. Un petit ticket de sac des familles. Ouais, parce que ça fait plaisir, tu vois. Et on se quitte sur le petit générique de Imer Wiener Zone. Ah bah oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Pour bien l'avoir en tête. Et maintenant, je crois que je ne vais plus écouter de Schlager pendant un petit moment parce que là, j'ai toutes les overdose. Tu sais, j'ai un début de son dans la tête et je sais tout de suite comment ça va suivre. Tu vois, comment le dérouler. Ah, et tu je sais comment ça déjà va dans les mains. Ouais, exactement. And yes, allez, je te fais. Allez, bisous à tout le monde. Ciao. Ich mich darüber, dass wir uns im ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber, würde die Zeit nicht gar so schnell vergehen. Immer wieder Sonntag und Stefan macht Spaß. Désolé d'avoir cassé les chiottes. C'est bon, c'est enregistré. Vous l'aurez. Beau bêtisier. J'ai foutu. Allez, le background. Tout ce que vous ne saurez pas.